akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. La météo sur RMC, la météo, c'est avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour François et bonjour à tous. Il pleut en ce moment hein, du côté de Toulouse, un peu de pluie à Rodez, à Clermont-Ferrand, dans le Mâconnais également. Le temps sera orageux sur pratiquement tout le pays. Quelques timides éclaircies. Là où le soleil se montre, ça y est, c'est par l'ouest. Le beau temps arrive. Il est aux portes de notre pays, en Bretagne, Pays de la Loire, jusque en Basse-Normandie. Vous aurez du soleil aujourd'hui avec un temps sec. Et puis également sur le pourtour méditerranéen. Là, le ciel va rester voilé avec un peu de vent et un temps sec. Là aussi, les températures toujours un peu fraîches hein, pour la saison. On est vraiment en dessous des normales de saison. 17 à Lille comme à Tarbes, 19 à Besançon, à Montauban, 19 à Biarritz, à Nancy comme à Paris. Nous aurons 20 degrés à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux et ainsi qu'à Toulouse. 22 à Perpignan, 23 à Nîmes et Montpellier, jusqu'à 25 à Bastia et Ajaccio. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur AMC. Avec dès 14h Formule 1, les qualifs du Grand Prix d'Europe. 15h UEFA Euro 2016, Belgique-Irlande, suivi à 18h d'Islande-Hongrie. 20h45, rugby top 14, demi-finale Toulon-Montpellier. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi de Portugal-Autriche. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Le week-end des experts maison revient dans un instant. Il est 8h sur RMC, toute l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, hommage national hier pour les deux policiers assassinés lundi. Et puis les dernières avancées dans l'enquête sur le tueur, la Rossi Abala et ses liens avec d'autres terroristes. Pas de grande primaire des gauches, non, mais une primaire plus restreinte entre proches du gouvernement. C'est ce que devrait annoncer le Parti Socialiste aujourd'hui. Et puis l'Euro de football malade une nouvelle fois de ses supporters. Interpellation hier à Nice, match interrompu à Saint-Etienne à cause notamment des fumées. Il est 8h sur RMC, bonjour à tous. Hier soir, c'est une quatrième personne qui a été interpellée à Mantes-la-Jolie, quatrième homme supposé proche de la Rossi Abala, ce terroriste meurtrier de Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. Les enquêteurs semblent faire donc quelques avancées, un peu moins d'une semaine après l'acte sordide du jeune homme de 25 ans, des avancées notamment sur ses connaissances à Naissens. Oui, avec donc cette interpellation hier soir, peu après 20h30, nous sommes dans un cybercafé du quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Un gros dispositif policier est déployé pour arrêter un homme d'origine mauritanienne, un employé de ce cybercafé. Autre information ce matin, selon Reuters, qui cite une source proche de l'enquête, il existerait un lien entre Abala et Sid Ahmed Glam, ce franco-algérien soupçonné d'avoir tué Aurélie Châtelain en avril 2015 à Villejuif et qui projetait de commettre un attentat contre une église. Ce mois-là, la Rossi Abala aurait été vue dans une camionnette en compagnie d'un homme qui sera plus tard mis en cause dans ce dossier pour avoir apporté une aide logistique à Sid Ahmed Glam. La piste du loup solitaire semble donc s'éloigner, d'autant que les enquêteurs s'interrogent aussi, sur un voyage d'Abala à la Mecque. C'était il y a 4 mois, un pèlerinage qui aurait pu lui servir en fait de prétexte pour se rendre en Syrie. Les précisions directes ce matin d'Anaïs Sens. L'enquête, c'est l'émotion hier. Hommage solennel, hommage national, rendu aux deux policiers, deux héros du quotidien, disait François Hollande. Le président de la République qui s'est vu refuser une poignée de main par l'un des policiers présents à la cérémonie. Geste de colère contre le manque de moyens dont souffrent les forces de l'ordre et geste que comprend Cyril Thiboust du syndicat de police SGPFO. La réaction, je la comprends. Je ne vais pas dire que je la trouve normale, mais je la comprends totalement. Il y a une véritable colère de l'ensemble des fonctionnaires de police. On est fatigué, stressé. Ce fonctionnaire l'a dénoncé de cette manière. Aujourd'hui, y a-t-il un moment, je dirais, pour se faire entendre ? Le président de la République, le Premier ministre et notre ministre de tutelle de l'Intérieur ne nous écoutent pas. Donc, que faut-il faire ? La preuve en est, ça fait réagir beaucoup de monde. Donc, on se pose tous la question, n'est-ce pas le bon moment ? Et Cyril Thiboust interrogé par Clément Fraioli. La justice et l'affaire Kerviel-Coutéâtre hier, le parquet a estimé que la Société Générale ne méritait plus les dommages et intérêts faramineux, plus de 5 milliards d'euros, qui lui étaient promis. C'est ce que disait le juge hier soir. La banque a commis des fautes et donc ne doit pas recevoir d'indemnisation. Surprise judiciaire à la qu'elle ne s'attendait pas. Patrice Gourrier, un proche de Jérôme Kerviel. Tout d'abord, une grande surprise par rapport à ces réquisitions, puisqu'elles aboutissent à la demande d'annulation de la somme qui était demandée à Jérôme Kerviel, 4,9 milliards. Mais nous continuons à demander une expertise des comptes de la Société Générale afin de prouver la perte, à prouver que la Société Générale a réellement perdu 4,9 milliards. J'ai vécu là quelque chose d'historique au niveau judiciaire, et cet engagement que j'ai derrière Jean-Marc Carvier, je l'aurai jusqu'au bout, parce qu'il s'agit de faire ce qui est juste et de faire triompher la vérité. Autre dossier judiciaire, celui du viol du 36 quai des Orfèvres. C'était il y a 2 ans, une jeune touriste canadienne agressée dans les murs de la police judiciaire. Le parquet a réclamé hier un procès aux assises pour les 2 fonctionnaires de la BRI. 2 hommes de 37 et 46 ans dont les traces ADN avaient été retrouvées sur la victime. La politique ce samedi, le mot du jour c'est primaire. Certains en voulaient une de toutes les gauches. A priori c'est raté. Conseil national du Parti Socialiste aujourd'hui. Et dans Libération ce matin, le patron du parti, Jean-Christophe Combadélis, dévoile ses intentions. Une primaire aura bien lieu, mais une primaire modèle réduit, Marie Monnier. Oui, tant que François Hollande ne se décide pas pour 2017, les socialistes font jouer la montre. Comme les chances d'aboutir à une primaire de toute la gauche sont quasi nulles, les Verts et le Parti communiste s'y opposent, Jean-Luc Mélenchon aussi. Le premier secrétaire du parti propose d'ouvrir la compétition à la belle alliance populaire, c'est-à-dire aux alliés du PS, qu'ils soient radicaux, écologistes ou représentants du monde syndical et associatif. Elle pourrait avoir lieu les 2 derniers week-ends de janvier, selon Cambadélis. Reste à savoir si François Hollande va y participer ou non. Pas sûr que le président de la République souhaite se plier à l'exercice. Les précisions de Marie Monnier. Oublier l'amniocentèse, procédure invasive, parfois dangereuse, place à une toute simple prise de sang. C'est ce que réclament aux autorités les personnels de santé pour détecter la trisomie 21 chez le fœtus. La prise de sang est déjà pratiquée massivement à l'étranger, pas suffisamment en France. Le gynécologue François Jacquemart explique pourquoi. Dès lors qu'il n'est pas encore remboursé par les autorités de santé, il n'est pas accessible à tout le monde. Les tests actuellement sont disponibles entre 300 et 400 euros. Vous voyez, une amniocentèse, c'est remboursé 337 euros. Donc on est sur des coûts qui vont être à peu près similaires. On est dans les derniers mois de travail et de réflexion pour pouvoir avoir un test qui sera remboursé par les autorités de santé et qui permettra de dépister la trisomie 21 en évitant 95% des amniocentèses qui sont pratiquées. Dans quelques mois, ce test pourra être disponible pour toute la population française. François Jacquemart interrogé par Romain Poiseau, 8h05 sur RMC. RMC, UEFA Euro 2016. 16 interpellations, dont une dizaine d'ultras espagnols et 4 Français supporters portugais. C'était à la fin du match Espagne-Turquie hier soir à Nice. Avant cela, au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, match interrompu entre la Croatie et la République tchèque. Des dizaines de fumigènes déclenchés, une bombe agricole qui explose. Une nouvelle fois, la fête de l'Euro gâchée par ses supporters. Hier soir, le joueur croate Ivan Perisic est dépité. Il y a tout le temps un groupe qui essaie de faire quelque chose contre nous, qu'on sort de le tournoi. Et il faut trouver une solution parce que comme ça, on peut pas jouer. Ça se voit après, on a donné 5 minutes, on n'était pas là, on n'était pas présent sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a pris, je pense, le deuxième but. Merci encore aux supporters qui sont venus, qui sont supporters bien, mais pour les autres qui sont fait la merde, je sais pas. J'ai pas le mot pour dire quelque chose. Et donc sur le terrain, les Croates qui menaient 2-0 ont été rattrapés par la République tchèque. Score final 2-2. L'Espagne a frappé un gros coup hier soir. Victoire 3-0 sur la Turquie. L'Italie a gagné également 1-0 face à la Suède. Aujourd'hui, 3 rencontres. Belgique, Irlande, Portugal, Autriche et Islande, Hongrie. Et puis demain, le dernier rendez-vous des Bleus pour leur match de poule face à la Suisse. Les Bleus n'ont besoin que d'un match nul pour finir premier de leur groupe. Il faudra aussi répondre à de nombreuses questions, notamment celles autour de Paul Pogba. Jérôme Sillon, vous étiez justement à l'entraînement hier. À son arrivée sur le terrain d'entraînement, d'un geste de la main formant un V avec ses doigts, Paul Pogba a semblé envoyer un message d'apaisement aux caméras braquées sur lui. Souriant et détendu, après avoir passé l'échauffement avec son complice Antoine Griezmann, il a régalé l'assistance de superbes gestes techniques, de ceux qui font le buzz sur les réseaux sociaux, mais qui exaspèrent parfois Didier Deschamps quand ils sont inefficaces en match. En multipliant les zones de contact avec le ballon, plat du pied, semelle, talon, parfois en déséquilibre ou en taclant, le milieu de terrain de la Juventus a commencé par des passes appuyées vers Olivier Giroud et Kingsley Coman. Puis comme à son habitude, Pogba a fini l'entraînement seul. Tel un gamin, s'amusant avec le ballon, il a enchaîné les jongles spectaculaires, comme si de rien n'était. Et puis le sport, c'est aussi le rugby ce week-end, demi-finale du top 14. L'exploit du Racing hier soir, après prolongation, les Franciliens ont battu Clermont, l'équipe qui a pourtant terminé première du championnat. Score final 34-33, énorme satisfaction pour le manager Laurent Labitte. Scénario incroyable, un match qui restera, je pense, dans les annales du top 14. Hein, donc forcément, une grosse satisfaction de l'avoir remporté, une grosse fierté aussi par rapport à, une fois de plus notre saison qui est très très longue, mais qui est déjà, on va dire, magnifique, même si on veut toujours plus. Et tout le monde est très content dans le vestiaire, mais il nous reste encore un truc à faire. Et on sait très bien depuis quelques temps que il n'y a que nous qui pourrons écrire notre histoire, on peut compter que sur soi-même. Laurent Labitte avec Laurent Depré. La deuxième demi-finale, c'est aujourd'hui sur RMC Toulon face à Montpellier, 8h08 sur RMC. Les courses pour terminer, François Sorel. Tiers écarté quinté plus cet après-midi à Enghien, Thomas. Et Sébastien Arras aime beaucoup le 11 Geisha Sind et le 15 Orient Horse. Brahim Asloum nous conseille le 16 Pic Chronos. Et Laurent Guédard contre lui retient le 6 For Pleasure As et le 14 Pingus Vang. Le 11, le 15, le 16, le 6 et le 14. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts. 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Il est 8h09. Merci d'être là. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Et bienvenue, c'est RMC. Et vous êtes au cœur de ce week-end des experts. Et après le jardin, place à la maison. Avec Christian PC. Bonjour Christian. Bonjour mon cher François, comment allez-vous? Ça va bien. Bon. C'est parti pour deux heures dédiées à la maison. Avec Christian, notre expert qui est là chaque samedi, quoi qu'il arrive, infatigable, pour répondre à toutes vos questions bricolage. Absolument. Maison déco, profitez-en, 3216 ou maison@rmc.fr. Question qu'on va retrouver d'ailleurs dans une minute. Et sachez que tout à l'heure, entre 9 et 10, on vous réserve un spécial protection de la maison pendant les vacances. Oui, alors protection, mais on va pas vous parler de serrure, on ne va pas vous parler d'alarme, on ne va pas vous parler de blindage. On va vous parler de différentes méthodes, de différents gestes vous permettant de laisser votre domicile sans faire apparaître que vous êtes parti. Alors, simulation de présence, surveillance temporaire, home sitting. Oui, c'est peut-être un petit peu plus intelligent, malin finalement. Voilà. Que transformer sa maison en bunker. Et puis surtout, on va avoir un responsable de la police nationale qui va expliquer ce que sont les opérations, notamment partir en tranquillité, tout ce qui permet justement d'alerter les services de police qui font des rondes, qui viennent voir si tout se passe bien. Il y a le voisinage aussi qui peut. Et puis il y a le voisinage, voilà. On en parlera aussi. Donc un spécial protection de la maison tout à l'heure entre 9 et 10. Et bien sûr, vos questions sur ce sujet dès maintenant. Hein, n'hésitez pas à 32-16, peut-être pour vous, c'est une préoccupation, hein, le fait d'essayer votre maison une, deux, trois semaines pendant les grandes vacances. Eh bien, dites-nous comment vous faites pour la protéger, le 32-16 ou maison@rmc.fr. Ce sera tout à l'heure entre 9 et 10, mais d'ici là, bien sûr, toutes vos questions maison. Et nous accueillons pour débuter Henriette. Bonjour Henriette. Bonjour. Bonjour messieurs, bonjour François, bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue voilà. Henriette. Merci. C'est la question que j'avais posée samedi. Eh bien, que c'est très je bien. Repose aujourd'hui. Ben, ça tombe bien, on est samedi. Pardon ? Ça tombe bien, on est samedi aussi. Que j'ai pensé samedi dernier. Voilà. Vous aviez parlé de climatisation. Oui. Alors moi, j'aurais aimé savoir, les personnes qui n'ont pas la climatisation, quel est votre avis, hormis les ventilateurs sur pied, etc., des pales que l'on accroche au plafond ? Des quoi ? Des pales qui tournent. Ah oui, des ventilateurs. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ben c'est une bonne solution, c'est la solution la plus classique, mais ça ne fait que brasser l'air, hein. Ça ne va pas rafraîchir de façon phénoménale. Vous savez, les ventilateurs créent un sentiment de rafraîchissement parce que l'air qui arrive, le flux d'air qui arrive sur votre peau génère une évaporation et c'est cette évaporation qui entraîne le sentiment de rafraîchissement. Mais les pales au plafond ne font pas baisser la température d'une pièce. Non, certainement pas. Voilà. Par rapport au ventilateur ordinaire. Ah là, c'est on va dire que c'est souvent, alors c'est, me semble-t-il, moins peut-être pas moins efficace, mais moins brutal qu'un ventilateur qui, lui, vous envoie un flux d'air au visage. C'est plus un brassage, j'allais dire un brassage colonial, parce que ça fait tout de suite penser aux habitations des tropiques ex-colonies. Donc, mais sinon, vous avez d'autres solutions aussi, hein. Vous avez ce qu'on appelle les rafraîchisseurs. Hein, donc les rafraîchisseurs, c'est un système plus soft, on va dire, que le climatiseur. Oui, mais c'est pas très esthétique. Il faut faire un trou dans votre vitre pour passer. Ah oui. Non. Je vous parle de rafraîchisseur. Je parle pas de climatiseur monobloc. D'accord. Hein, si, le rafraîchisseur, c'est une machine. Une machine, mais qui joue là justement sur l'évaporation de l'eau en clair. Vous pouvez obtenir le même phénomène en prenant un torchon que vous mouillez et que vous mettez devant un ventilateur. Là, ça abaisse la température. Mais ça la baisse. De façon beaucoup moins significative, évidemment, qu'un climatiseur. Mais moi, je voulais votre avis sur ces pales par rapport au climatiseur d'air brassé comme ça. Oui, mais je vous ai répondu. Oui, alors à votre avis, je peux prendre lequel? Ah ben, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous appréciez le mieux. Je veux dire, le ventilateur de plafond, je vous dis encore une fois, c'est un effet de confort, mais ça ne fait pas baisser la température. On fait en sorte, justement, les pales tournent assez lentement, pour ne pas créer un courant d'air trop important. Hein. Voilà. Henriette, merci pour votre appel. 8h14, c'était RMC. Mais enfin, on voit, c'est vrai, dans certains pays exotiques, des chambres avec des pales. Oui, bien sûr. C'est souvent associé aujourd'hui, dans les chambres modernes, à une climatisation. Parce que c'est vrai que les deux ont du sens. Parce que c'est vrai que la pale va brasser de l'air qui est déjà rafraîchi. Oui, mais c'est vrai que si vous êtes dans une pièce qui est ombrée déjà, et vous créez ce courant d'air, ça va être un courant d'air agréable. Parce que c'est une sorte de brassage. Moi, j'étais au Maroc il n'y a pas très longtemps. Il y a notamment les restaurants qui utilisent ce type de rafraîchissement. Il est 8h15, c'est RMC, on revient dans un instant et on va écouter la question de Jean qui vient d'acquérir une maison mais visiblement les murs de sa cave sont humides. Ah. Bon, cela dit, bon. Je pense pas que ce soit le seul en France. Hein. Dans ce cas précis, on en parle dans une minute, le 3216, maison@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler ce matin, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Votre toit protège votre famille. Mais qui protège votre toit? C'est Ciplast, bien sûr, le leader de l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent depuis 60 ans. Grâce aux barrières radiantes de sous-toiture Thermix et Super Reflex, prolongez la durée de vie de la charpente et augmentez le confort thermique de votre maison en gagnant jusqu'à 6 degrés, été comme hiver. Demandez à votre couvreur et retrouvez toutes nos solutions de sous-toiture sur Ciplast.fr. Chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Capture, le crossover ultra personnalisable et sa compile d'équipements. Airlink avec écran tactile, caméra de recul. Renault Capture est à partir de 169 € par mois, sous condition de reprise. French Touch, touche française. Offre pour Capture Life Energy TCE 90 LL des 49 mois, 40 000 km maximum sous réserve d'acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Et vous entendez? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam. La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah... Vous n'entendez pas la différence? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Quand les plus grands joueurs européens... rencontre la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion, mais ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 € empruntés, soit pour 6 000 €, 500 € par mois sur 12 mois, total du 6 000 €. Détails sur PeugeotWebstore.com. En ce moment, pariez sur les matchs de l'équipe de France sur PMU.fr. PMU.fr vous offre 10 € à chaque but des Bleus. N'attendez plus, pariez sur le foot sur PMU.fr. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Offre réservée aux titulaires d'un compte PMU.fr valable jusqu'au 10 juillet 2016. Limité à 3 paris gratuits de 10 € par match, crédité dans les 72 heures suivant le match. Conditions détaillées sur PMU.fr. RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel. Il est 8h18, c'est RMC, le week-end des experts, la maison. Merci d'être là. Dans 10 minutes, la météo, les infos de 8h30. Et toutes vos questions, bricolage Maison Déco, sont les bienvenues pour nous joindre. Deux moyens, comme d'habitude, le 32-16. Amina réceptionne votre question. Et puis, si Christian la sélectionne, vous pouvez passer même ce matin. Pourquoi pas. Il faut être très gentil avec moi pour que je sélectionne. Et gentil avec Amina, gentil avec Aurélie, notre productrice, etc. Vous, éventuellement, mais... Non, mais moi, ça va, j'encaisse. Voilà. Vous avez le cuir tanné. Enfin, j'encaisse au second degré, bien évidemment. Oui. C'est comme ça. Ah, vous êtes réputé pour ça. Attention, il y a le mail aussi qui est très pratique, maison@rmc.fr. Laissez-nous votre numéro de téléphone. Si vous nous joignez par mail, c'est bien pratique. Jean est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour Jean. Bienvenue Jean. Merci, je suis heureux de m'avoir pris. Eh bien, c'est on très vous bien. Écoute, allez-y, Jean. On vous écoute, Jean. Oui, je vous appelle parce que j'ai acquis ma maison il y a de cela 2 ans, et c'est une maison qui est de 2009. Oui. Et la première année, bon, j'ai vu que ma cave était un peu mouillée, qu'il y avait un peu de l'eau. Et mais cette année, avec toute la pluie qu'il y a eu, donc j'ai vu que ma cave est tellement humide et il y a tellement de l'eau, tous les cartons qui sont en bas. Je les ai jetés. Oui. J'aimerais savoir comment faire pour arrêter ce phénomène et quels sont les recours que j'ai pour ça, comme la maison n'a que 7 ans. Ah ben, les recours que vous avez, c'est une zone inondable où vous êtes ? Non, c'est pas une zone inondable. Bon. La question du recours dans ces cas-là, comme c'est quand même des pluviométries exceptionnelles, à mon avis, vous n'avez pas grand-chose parce que c'est pas un vice caché, hein. Ça m'étonnerait que vous ayez un recours. Ensuite, les solutions techniques pour venir à bout de ce problème, eh bien, ces solutions sont relativement peu nombreuses. Il y en a 3, je dirais. La première, c'est de réussir à écarter l'eau de la maison par un drainage du terrain. Mais il est plat, votre terrain ? Il est en pente ? Il est comment ? Non, il est plat. Il est plat. Donc je suis pas sûr qu'un drainage va servir à grand-chose. Ensuite, vous avez un renforcement d'étanchéité des fondations par l'extérieur, mais normalement, la maison étant récente, on peut imaginer que ça a été fait, mais ça peut être renforcé. Et puis la dernière des solutions, parce que vous me dites que la cave a été inondée, vous avez eu combien d'eau dedans ? J'ai eu 5 centimètres, mais c'est dans des points. C'était d'accord. Au plus près du mur, donc c'était pas la piscine, quoi. Non, c'est pas la piscine. Alors vous avez une solution. Donc la solution la plus radicale, c'est de faire ce qu'on appelle un cuvelage, c'est-à-dire que on coule une boîte dans la boîte, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on va faire carrément avec du mortier hydrofuge, on va enduire les murs, les sols par l'intérieur. Et puis, à partir de là, il faut penser à faire un puits de décompression pour que l'eau puisse tout de même remonter s'il y a vraiment une très forte pression en dessous, pour que ça soit pas la maison qui se mette à flotter, ce qui serait embêtant quand même. Mais sinon, ça c'est la solution la plus radicale. Mais ça coûte très cher. Voyez déjà peut-être le renforcement d'étanchéité des fondations par l'extérieur. Par l'extérieur. Ouais. Parce que je me suis aussi posé la question, est-ce que vers l'extérieur, est-ce que je pense qu'ils n'ont pas mis de l'étanchéité, soit le goudron. C'est ça. Je pense que ils l'ont pas fait, donc c'est pour ça que c'est pas obligatoire. Hein, donc de toute façon, ce qui est obligatoire, c'est ce qu'on appelle la bande d'arase, c'est-à-dire une bande de rupture, donc de capillarité au niveau du sol dans la construction elle-même. C'est pour éviter les remontées capillaires. Mais vous pouvez tenter. Ça n'a pas l'air quand même dramatique. Vous n'avez pas, je vous ai dit, ça s'en sent pas en piscine. Donc moi, je serais vous, je ferais faire une étanchéité renforcée des fondations en les déchaussant. Donc, et puis vous en profitez pour faire mettre un drain périphérique pour dégager l'eau des fondations. Merci beaucoup Jean pour votre appel. Tiens, petite question mail avant de retrouver la météo, les infos de 8h30. Christian, c'est la question de Christelle. J'aimerais savoir comment enlever des crampons de lierre sur un mur avant de les repeindre, ce mur. J'ai essayé avec une brosse métallique, mais sans succès. Les crampons de lierre, on le sait, c'est ces petites ventouses qui s'accrochent en fait au mur. En fait, nous aurions mieux avec nous. C'est pas vraiment du lierre, hein. Ça doit être des roississus ou des choses comme ça. Donc c'est de la vigne vierge, quoi, véritablement. Il y a une solution. Alors moi, je l'ai testé, ça marche. C'est tout simplement de les brûler. Alors comment on les brûle? On peut les brûler avec un chalumeau, mais c'est un peu hard. Mais avec un décapeur thermique. À air très chaud, on les crame en quelque sorte, et ensuite il n'y a plus qu'à gratter avec une spatule, avec un couteau de peintre. Tout simplement. Et voilà. Mais oui. on va pas cramer le mur. Enfin, mais je veux dire, il n'y a pas de risque. Non, justement, évitez plutôt une flamme nue. Prenez donc plutôt un décapeur thermique, et vous allez voir que ça va très bien marcher. Parfait. Alors, on vous offre pas un décapeur thermique ce matin, mais quand même un bel outil, les amis. Bel outil qui a sa place dans tout atelier de bricoleur digne de ce nom. Il s'agit de la perceuse à percussion sans fil de chez Stanley. Un très beau matériel qui est véritablement l'outil parfait pour aller à peu près sur tous les chantiers. C'est quasiment du semi professionnel. C'est un matériel qui vous est offert donc par RMC et par le magazine Système D. Voilà un très beau cadeau que nous vous offrons comme chaque samedi matin dans ce rendez-vous maison. Vous voulez tenter votre chance? Très simple, on joue par SMS. Vous nous envoyez dès maintenant le mot maison par SMS au 732-16. Vous tapez maison, vous envoyez ça au 732-16 et automatiquement vous participerez au tirage au sort. Voilà, c'est pas plus compliqué. C'est dit. Maison par SMS au 732-16. On va revenir dans un instant, Christian, après la météo, les infos, avec vos questions, bien sûr, vos questions bricolage maison déco au 32-16. Et puis n'oubliez pas, tout à l'heure, entre 9 et 10, on vous réserve un spécial protection de la maison. Les bonnes pratiques. Voilà, simulation de présence, surveillance temporaire, home sitting, vigilance des services de police et de gendarmerie. C'est vrai que protéger sa maison avec des portes blindées, des fenêtres renforcées, etc., c'est bien. Mais il y a aussi d'autres moyens, peut-être plus subtils, pour faire croire qu'il y a quelqu'un, justement. Vous savez ce que c'est que le home sitting? Le home sitting, eh bien, c'est des gens qui viennent chez vous. Et voilà, comme le baby, mais c'est pour la maison. C'est incroyable, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, si vous avez des animaux de compagnie, en plus, ils pourront garder des animaux de compagnie. Voilà, sauf s'ils sont méchants et qu'ils mangent le home sitter. Là, c'est embêtant, quand même. Ça sera entre 9 et 10, on en parlera. Et vos questions sur ce sujet au 32-16. On revient dans un instant, les amis, à tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, Votre Maison sur RMC. Salut, c'est Serge Simon sur RMC. Retrouvez-moi dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux tout à l'heure en direct de Rennes depuis l'esplanade Charles de Gaulle à l'occasion des demi-finales du top 14 de rugby. Rennais, Rennaise, entrez dans la mêlée des grandes gueules du sport et ses 3 heures de prise de bec, de coups de gueule, de coups de cœur. Les grandes gueules du sport tout à l'heure de 10h à 13h sur RMC. RMC, 10h-13h, les grandes gueules du sport. Jusqu'au 10 juillet, les plus belles rencontres se jouent en France. Mais pas seulement, elles ont aussi lieu chaque jour chez Temporis, le premier réseau national d'intérim et de recrutement en franchise. Intérim, CDI, Temporis, toute la réactivité de nos agences d'emploi partout en France. Retrouvez toutes nos solutions RH en agence ou sur temporis.fr. Le prix direct, c'est jusqu'à demain. Et c'est chez Intermarché. Pour un kilo de merguez ou chipolata origine France, Jean Rosé acheté, le deuxième kilo est offert. Mais c'est seulement jusqu'à demain. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Nature aux herbes. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et si on parlait Renault Service? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end. Mes pneus sont usés. Ce ne serait pas prudent. Pipo. Pardon ? Bien essayé, mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super ! Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, voire conditions sur Renault.fr. Les bons plans Auchan ? C'est maintenant. Camille et les cerises, c'est une grande histoire d'amour. Chaque année, elle attend la saison avec impatience. De délicieuses cerises sucrées et parfumées, il me tarde d'en manger. Et nature, c'est comme ça que je les préfère. Eh bien justement Camille, jusqu'à ce soir chez Auchan, les cerises Origine France sont à 4,99€ le kilo. Ah, de belles cerises rouges et charnues à 4,99€ le kilo, je vais me régaler. Auchan, la vie que j'aime. Calibre 24-26, catégorie 1. Cache ou pas cache, de répéter Carter Cash très très vite sans te tromper. Carter Cash, Carter Flash, Caster Flash, c'est pourtant pas compliqué. Carter Cash, c'est des prix bas toute l'année sur les pneus, pièces auto et accessoires. La preuve, le pneu neuf à partir de 26€. Hey, t'es scotché là, hein ? L'essentiel pour l'auto, c'est Carter Cash. Jusqu'au 18 juin, retrouvez le pneu premier prix 175-65 R14 82T à 26€. Précommande de pneus et tous nos points de vente sur carter-cash.com. Voir conditions en magasin et selon stock disponible. André Lenôtre, le jardinier, une fidélité patriarcale récompensée. Son grand-père fut jardinier de Catherine de Médicis, puis son père... Stéphane, vous parlez fidélité ? Eh bien, chez Gamme Vert, la carte de fidélité donne droit le samedi 18 juin à moins 15% sur tout le magasin. Oui, moins 15%. Gamme Vert, le goût du jardin. Hors motoculture, conditions et magasins participants sur gammevert.fr. La météo sur RMC, la météo de ce week-end avec Christine Peña. Bon, on va vite oublier cette journée. Voilà, hein. C'est ça. Il faut qu'elle passe cette journée parce qu'effectivement, elle est extrêmement nuageuse avec encore des pluies soutenues, des orages un petit peu partout finalement sur tout le pays, excepté sur en bordure de Méditerranée où là, le ciel va rester voilé avec de la tramontane qui va souffler aujourd'hui. Et puis, on arrive à voir les prémices de cet anticyclone qui arrive sur le pays par la Bretagne, les Pays de la Loire et également la basse Normandie où là vous aurez du soleil avec un temps sec, des températures qui sont encore fraîches. Ça va être la journée la plus fraîche, hein. Dès demain le soleil revient avec des températures qui remontent un tout petit peu. Aujourd'hui il fera 17 à Tarbes, à Lille pour cet après-midi, 19 à Paris, 20 à Toulouse et Bordeaux, 23 à Nîmes et Montpellier. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC, il est pile 8h30, un point sur l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. L'Euro de football pour commencer. L'Espagne qui a frappé fort hier soir, victoire 3-0 face à la Turquie. L'Italie aussi a gagné 1-0 face à la Suède de partout. Entre Croatie et République tchèque, hier soir 16 personnes ont été placées en garde à vue à Nice en marge du match Turquie-Espagne. 11 ultra-espagnols ainsi que 4 Français supporters turcs qui sont entrés dans le stade avec des fumigènes. Et puis à Saint-Etienne au stade Geoffroy Guichard, le match entre la République tchèque et la Croatie a été interrompu une nouvelle fois à cause de fumigènes. Aujourd'hui, 3 rencontres, Belgique-Irlande, Portugal-Autriche et Islande-Hongrie. Prochain rendez-vous avec les Bleus demain face à la Suisse pour leur dernier match de poule. L'émotion hier dans les Yvelines, hommage national rendu au couple de policiers tués lundi à Magnanville par le terroriste Larossi Abala. L'enquête est également, et selon l'agence Reuters, il y aurait un lien entre Larossi Abala et un autre présumé terroriste, Sid Ahmed Glam, l'étudiant franco-algérien qui projetait des attentats contre des églises et qui aurait tué Aurélie Châtelain à Villejuif en avril 2015. Lui a été intercepté vraisemblablement avant de passer à l'acte. Le jeune homme radicalisé arrêté en début de semaine à Carcassonne a été mis en examen hier soir. Il aurait voulu s'attaquer à des touristes américains et russes. La politique ce samedi, le Parti Socialiste qui tient congrès, qui doit se mettre d'accord sur les modalités d'une primaire. En vue de la présidentielle l'an prochain, la piste d'une primaire des gauches semble oubliée. Un scrutin entre partis entre proches du gouvernement semble plus plausible. Et puis la justice et l'affaire Kerviel, hier, le parquet a estimé que la Société Générale ne méritait plus les dommages et intérêts faramineux, plus de 5 milliards d'euros qui lui étaient promis. Il est 8h31 sur RMC. Votre maison, vous êtes avec François Sorel et Christian Pessé. Merci Thomas, et on vous retrouve à 9h bien sûr pour développer tous ces titres d'actualité. D'ici là, bien évidemment, bienvenue dans le temple du bricolage et de la maison et de la déco. Christian Pessé là à mes côtés, on attend vos questions au 32-16, à tout de suite. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Nous voilà de retour, 8h32, avec Christian, comme chaque samedi, fidèle au poste. Et on est là pour répondre, bien évidemment. Christian est là pour répondre à toutes vos questions. Bricolage, maison déco, profitez-en. Christian, tout à l'heure, donc, on va surveiller la maison pendant les vacances. Évidemment, il existe pas mal de solutions aujourd'hui grâce aux nouvelles techno, hein, la plupart du temps, mais on évoquera tout cela avec nos invités et bien sûr vos questions, vos témoignages sur ce sujet dès maintenant. Est-ce que vous avez peur, tiens, de laisser votre maison pendant quelques semaines comme ça, sans surveillance? Comment faites-vous? Est-ce que vous faites venir des voisins, de la famille, ou peut-être ne faites-vous rien du tout? Dites-nous, 3216. Allez sur la page Facebook de l'émission, j'ai mis en ligne le petit film, qui a été développé par la police nationale sur le sujet. C'est tout à fait ça. Avez-vous peur? Alors, c'est très très marrant. Allez voir sur la page Facebook de l'émission. Voilà, la page Facebook de l'émission, c'est votre maison sur RMC et vous cliquez sur j'aime. Comme ça, vous pourrez nous suivre tout au long de la semaine et de l'année. Christian, d'ici là, les questions, bien sûr. Oui. Nous avons Jean-François avec nous. Oui. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour François, bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue, oui. On vous écoute. Oui, voilà, donc j'ai mis ma maison en vente et j'ai fait établir un DPE. Diagnostic de performance énergétique. C'est bien ça. Donc j'ai une pompe à chaleur et j'étais étonné dans le résultat de mon DPE de voir que ma pompe à chaleur n'était pas reconnue en énergie renouvelable. C'est quoi comme pompe ? C'est une pompe RR. Et ben voilà, parce que depuis janvier 2009, de mémoire, la pompe à chaleur RR n'est plus accessible au crédit d'impôt, donc n'est plus considérée comme un outil d'énergie renouvelable. Alors cela, pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que le rendement de ce type de matériel n'est pas optimal, et surtout parce que une pompe RR, c'est généralement réversible, c'est-à-dire que ça vous fait de la chaleur effectivement à bon compte, mais ça vous fait aussi du froid. Et le froid, c'est considéré comme un gaspillage énergétique. Donc, depuis 2009, il n'y a plus de crédit d'impôt pour ce type de matériel. Donc, dans le cadre du DPE, ça n'est pas considéré non plus comme un matériel, je dirais, écologiquement responsable. Oui, ok, d'accord. Voilà. Oui, je suis bien informé, oui. J'étais surpris parce qu'au départ, quand je l'ai fait installer, donc c'était considéré comme énergie renouvelable. Évidemment, mais il y a eu de la prise en compte, effectivement, pendant jusqu'en 2009, c'était accessible au crédit d'impôt. Et puis en 2009, d'ailleurs, il y a tous ceux qui ont installé ce type de matériel, je dirais à la charnière du renversement de situation, eh bien, se sont retrouvés avec des redressements fiscaux lorsqu'ils l'avaient passé parce qu'il y a des gens en 2009, 2010, très naïvement d'une certaine façon, et très logiquement, à leurs yeux, l'ont passé en crédit d'impôt et il y a eu des redressements en série. Mmh. Et vous, si vous l'aviez installé avant 2009, vous avez pu bénéficier d'un crédit d'impôt. C'est ça, oui. Voilà. Voilà. Vous avez la réponse. Eh bien, je vous remercie. Mmh. Donc, c'est logique. Alors, voilà. C'est tout à fait logique. Ceci étant, dans le cadre d'une vente, vous pouvez quand même faire valoir à vos acquéreurs que c'est un très bon système et que c'est un système tout à fait intéressant, même sur le plan économique, même si je vous ai dit que ça n'était pas totalement vertueux. Ah oui, parce qu'en consommation pour l'année avec ma pompe à chaleur, c'est 330 € par an. Ah oui, oui. Mais vous l'utilisez en rafraîchissement ? Des fois, oui. Voilà. Bon, je suis sur Orléans, donc l'été, quand il y a des grosses chaleurs la nuit, tout ça, donc ça sera tôt. Donc, mais vous comprenez bien qu'à ce moment-là, vous consommez de l'énergie pour le confort. Oui, bien sûr, oui. Mmh. Voilà. Okay. Voilà, Jean-François. Eh ben, merci. Merci à vous. Bonne journée. Et après Jean-François, c'est Jérémy que nous accueillons au 3216. Bonjour Jérémy. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Jérémy, François et Christian, ça va, hein. Monsieur, c'est pas la peine. On est entre nous. Oui. D'accord. Vous nous appelez d'où, Jérémy ? De Poitiers. De Poitiers. Oui. Et oui. Qu'est-ce qui vous arrive ? En fait, j'ai fait construire une maison, donc ça a commencé la construction en octobre de l'année dernière. Oui. Et actuellement, donc la maison, en fait. Donc j'ai eu une pré-réception cette semaine. Oui. Donc les travaux sont quasiment terminés. Et il y a juste, en fait, j'ai un souci sur les enduits. Donc les enduits, ils ont été faits c'est début mars pour les deux façades et début avril pour les pignons. Oui, vous me parlez d'extérieur, donc là. Hein. Oui, voilà, oui. Et du coup, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, quand j'ai une façade côté ouest, quand il pleut et sur certaines conditions, quand il pleut et quand ça sèche, j'ai des parpaings qui apparaissent sur un côté des spectres. Ouais, effet fantôme ou spectre, on dit. Oui. Ouais. Et puis sur une autre façade, j'ai des taches qui apparaissent un petit peu sur le côté ouest. Ben ça, il va falloir que vous fassiez des réserves. Hein? Ouais, De toute façon, là, vous êtes. Je veux pas être pessimiste, hein, oui. Mais vous n'êtes pas bien parti parce que ce phénomène résulte souvent du fait qu'on n'a pas laissé sécher suffisamment le mortier des joints des parpaings et qu'on a fait la façade un peu trop vite, et le problème de séchage ensuite est extrêmement difficile. Non seulement faites des réserves au moment de la réception, mais moi, dès maintenant, j'enverrai une lettre recommandée au constructeur en lui disant qu'il refasse sa façade parce qu'il y a déjà l'apparition donc de phénomènes de spectre des joints, parce que c'est très ennuyeux. Enfin, c'est esthétique, hein, c'est uniquement esthétique. Voilà, il n'y a pas de désordre. Voilà, mais vous comprenez bien ce qui va se passer. C'est que au bout d'un an, après le parfait achèvement, vous allez entrer dans la décennale, et dans la décennale, on va vous dire que c'est esthétique. Ouais, et donc, ça n'est pas couvert par la décennale. D'accord. Donc, il faut prendre les devants, là, et un peu violemment. Parce que j'ai le pignon qui donne côté sud. Ben, en fait, on voyait des spectres, quel que soit le temps, qu'il fasse beau ou par temps humide. Et donc là, il y a du crépi. Enfin, j'ai demandé à ce qu'il soit repris, et là, il y a du crépi qui est arrivé. Le constructeur a accepté de réenduire ce pignon. Ouais. Mais pour les deux autres façades, pour l'instant, il m'a pas donné de solution. Alors du coup, là, en ce moment, ils sont en train d'avoir des échanges avec le fabricant de crépi. Oui, mais c'est pas le fabricant de crépi qui est en cause là. Hein. En fait, et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous faire ? C'est-à-dire qu'ils vous ont remis une couche sur l'enduit. Alors qu'en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est redécaper l'enduit existant pour laisser bien sécher la façade et les joints, et ensuite réenduire quand c'est bien sec. Mais là, c'est plus simple de remettre une couche. Ouais, parce que sinon, ils voulaient mettre une. J'ai refusé parce que je trouvais que c'était encore moins. Qu'est-ce qu'ils voulaient vous faire ? Il me proposait à un moment donné de faire une peinture avant de réenduire. Ah bah oui, voyons, bien sûr. Hein. Non mais attendez, une peinture et puis un enduit et puis quoi ? Qui fassent leur boulot. Parce que quand ils ont fait les enduits, c'était au mois de février et avril, et le temps était généralement pluvieux. Bien sûr. Et du coup, j'ai regardé ce qu'ils appellent le DTU, les règles de... Oui. De corps de métier. Bien sûr. Et il mettait que sur les crépis, parce que moi c'était un crépi gratté, si le parpaing était poreux, qu'il devait peut-être faire deux couches. Et moi ils ont fait une couche. Alors du coup je me dis, est-ce que... Oui, une deuxième couche c'est peut-être possible, mais il faut qu'elle accroche correctement, parce qu'après vous allez avoir aussi des soucis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même que quand on fait construire une maison, bien il faut aussi tenir compte du timing et faire en sorte que la maçonnerie, par exemple, et notamment les façades, etc., se fasse plutôt à la belle saison qu'en hiver. Autrefois, les constructeurs de maisons, les maçons, ils savaient ça. Mais maintenant, il faut que ça tourne toute l'année. Donc, évidemment, on a tendance à faire des travaux de maçonnerie dont le séchage. Alors, ça n'est pas une question de solidité, hein, parce que on est dans le cadre d'un liant hydraulique, c'est-à-dire le ciment, et qui, au contraire, devient plus dur quand c'est humide. Ça durcit d'autant plus, prend d'autant plus. Mais les phénomènes ensuite d'apparition, justement, des joints de mortier donc utilisés pour assembler les parpaings, ressortent à travers la façade parce que il n'y a pas eu le temps de séchage. Merci beaucoup Jérémy. On revient dans un instant, Christian, avec Bernadette. Alors Bernadette, on lui propose de poser un carrelage.

Et puis, il y a des carreaux qui sonnent creux un petit peu partout. Il y en a quelques-uns qui sont fêlés. La solution qu'on nous propose, le maître d'œuvre qui nous avait suivi pour ses travaux, nous propose de remettre encore une couche de carrelage, donc de faire un réagréage et de reposer un nouveau carrelage dessus. Vous allez finir par avoir du mal à rentrer dans la pièce, quoi. À la fois ça, et puis, est-ce que c'est judicieux de poser un carrelage nouveau sur un carrelage qui présente des faiblesses? Évidemment pas, hein, parce que c'est là vous avez véritablement apparemment un problème de qualité de mortier de la chape sous carrelage. Donc c'est certainement lorsque des carreaux ou des dalles comme ça sonnent creux, c'est généralement pas seulement le collage du carrelage, c'est souvent que le mortier de la chape elle-même se désagrège. Oui. Donc, les joints, ça c'est pas très compliqué, évidemment si. Mais vous me parlez de ragréage. Oui. À mon avis, il vaudrait mieux à ce moment-là carrément refaire une chape. Faire une chape de 2-3 cm et peut-être que là on va englober le tout, mais ça va encore être une surépaisseur supplémentaire, donc c'est pas l'idéal. Pourquoi c'est parce que vos carreaux sont quoi, c'est uniquement pour les joints que vous voulez refaire un nouveau carrelage? C'est parce qu'il y en a beaucoup qui sonnent creux, donc quand on marche on entend par moment donc des il les démonte et puis il les recolle. Oui. Ça, c'est une solution aussi. Moi, de toute façon, là, il n'y a pas 36 solutions, puisque il est clair que vous avez des carreaux de carrelage qui adhèrent mal, et que vous avez vos joints qui sont pas bons. Oui. Donc, le mieux, c'est, mais alors avec beaucoup de précautions, évidemment, puisqu'en dessous, vous avez une nappe électrique. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, à mon avis, que de décaper le sol, c'est-à-dire de démonter les carreaux. Et éventuellement, là, vous allez voir la situation en dessous. Est-ce que c'est simplement un collage qui est défectueux, ou est-ce que c'est véritablement la chape qui se désagrège? Et si c'est la chape qui se désagrège, il va falloir à nouveau refaire une chape en enlevant la première. C'est pas très simple. Donc ne faites ça véritablement que si c'est indispensable. Oui, d'accord. Je sais bien que c'est pas agréable d'avoir des carreaux qui sonnent creux, mais on peut délicatement, avec un ciseau de briqueteur, on peut décoller ces carreaux de carrelage et les recoller. Oui. C'est ce que vous conseillez donc. Ah oui, parce que remettre une couche de ragréage sur un support qui tient pas, parce que ça, vous allez reproduire le phénomène sur les nouveaux carreaux de carrelage. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Un moment ou un autre. Mm-hmm. C'est une question de logique et je pense que vous l'avez la logique. D'accord. Bon, écoutez, merci pour ces bons conseils. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci Bernadette. Et à 9h10, mon cher Christian. Oui. Nous avons Lila avec nous. Lila. Et décidément. Oui, bonjour. Bonjour Lila. Bonjour. Gentil de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie Lila, beaucoup d'auditrices, je vous appelle Christian ce matin. Mais oui, c'est mon fan club. Alors Lila. On a besoin de lui. Et oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors écoutez-moi, mon bailleur a installé chez moi des portes-fenêtres pour compenser des vieilles fenêtres en bois que j'avais à l'époque. Et depuis qu'elles ont été installées il y a à peu près 2 ans, je constate chaque mois en fait des taches noires. Et là, c'est complètement noir, jusqu'à avoir des espèces de mousse de champignons, carrément. Ah oui, là, carrément. Vous allez pouvoir faire la récolte pour la cuisine, là. Voilà. Voilà, exactement. C'est tout blanc, une sorte de mousse blanche. Ça va pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des problèmes respiratoires. Voilà. Donc là, vous êtes dans le cas classique que j'évoque souvent, c'est-à-dire que on change les fenêtres, on les rend étanches. Les fenêtres deviennent étant étanches, on rend étanche l'enveloppe, et puis il n'y a plus assez de renouvellement de l'air. Est-ce que d'ailleurs, ces fenêtres ont des barrettes d'aération ou pas? Peut-être même pas. Bah, ils, sur le coup, ils en avaient pas mis. Quand j'ai fait constater qu'il y avait pas de, de barrette, donc ils ont fait des petits trous à la perceuse là-haut. Ah oui. Ils ont mis dans quoi? Dans la fenêtre, ils ont percé? Dans la fenêtre, oui, là-haut, ouais, oui, tout en haut dans la fenêtre. C'est aberrant parce que du coup, vos fenêtres ont perdu une grande partie de leur vertu d'isolation thermique. Parce qu'on perce pas des fenêtres en PVC, hein, ou si on les perce, on les perce en usine, pour prendre toutes les garanties. Mais ce flux d'air, si vous voulez, il ne se crée que si quelque part vous avez la création d'une forme de courant d'air. C'est-à-dire que c'est pas le fait de faire des trous dans une fenêtre ou même dans un mur. Tout cela se gère. C'est-à-dire que vous n'avez pas de VMC, évidemment. D'accord. Vous n'avez pas de VMC, vous n'avez pas de ventilation. VMC, non. Ventilation j'en ai mécanique pas, non. contrôlée, ben non. Non. Donc non, tout ça. Pas. Alors là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a à créer donc une ventilation. Ce qu'il faut que vous disiez à votre bailleur, c'est que il y a un problème sanitaire qui est en jeu et que donc il faut qu'il trouve une solution parce que sinon la loi SRU, c'est-à-dire tout ce qui concerne le logement décent, eh bien ça s'appliquera et donc que votre logement n'est pas décent et que si vous attrapez des pathologies, il en portera une responsabilité. Donc il faut mettre la pression parce que vous n'arriverez ou alors il faut alors déjà ce qu'il faut faire pour commencer, bah c'est ventiler souvent, c'est-à-dire ouvrir vos fenêtres. Mais l'hiver ça paraît un peu aberrant. C'est compliqué l'hiver, oui. Oui, puis avec c'est aberrant. Mais c'est aberrant d'avoir mis des fenêtres isolantes pour ensuite les ouvrir. Mais c'est l'aberration qu'on a aujourd'hui et qu'on va avoir dans des quantités de maisons, y compris des maisons récentes. Vu la réglementation thermique, tout ce qui concerne donc la RT 2012 et suivante, ou même précédente, 2005. D'accord, entendu. Voilà, très bien. Moi, j'ai rien à faire de mon côté. Vous ne pouvez rien faire. Si, non, si vous voulez. Faire. Ah, si, vous pouvez faire une chose. Achetez des humidificateurs électriques, faites-le fonctionner. Et là, vous allez venir tout de suite à bout de cela. C'est peut-être parfois plus intelligent que de s'entêter, avec un bailleur qui ne fera rien. Exactement. Parce que pas obligé de changer, de vider l'eau régulièrement. Oui, sauf. Oui, mais vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle une vidange par gravité, c'est-à-dire que si la configuration le permet, eh bien vous avez tout simplement un petit tuyau qui sort donc du réservoir des humidificateurs électriques et que vous raccordez à une évacuation. D'accord. Bon. Lila, merci. On revient dans un instant. Christian, pour notre deuxième partie dédiée à la maison, avec un spécial protection de la maison pendant les vacances. Tous les moyens qui sont à notre disposition justement pour protéger notre maison alors que les grandes vacances arrivent. Vous voulez témoigner, poser vos questions sur ce sujet dès maintenant. 3216 maison@rmc.fr. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Salut vieille branche, bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Mais tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus pile poil. Ah, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelets Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelets.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute, la qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio, en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno. Son système multimédia Airlink avec écran tactile, sa caméra de recul, voilà un excellent mix d'équipements. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990 euros sous condition de reprise. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Pour Renault.fr. On finit par l'Australie après un mois en Asie avec les sacs à dos et hop, retour en France. T'as vraiment de la chance. Et comment tu fais pour ta glycémie? T'inquiète, j'ai tout prévu. J'ai un nouveau lecteur directement connecté à mon mobile. Avec le nouveau lecteur de glycémie One Touch Varioflex, vous savez clairement où vous en êtes. Vous pouvez également gérer vos résultats via l'application mobile One Touch Reveal et continuer à vivre pleinement. Ok, t'as vraiment tout prévu. Je peux me glisser dans ta valise ? One Touch, à vos côtés pour avancer. One Touch Varioflex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France ? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte. D'intrépides charpentiers n'ont qu'une ambition, réaliser des demeures d'exception en bois pour leurs clients fortunés. Plus le défi semble impossible, plus leur motivation est grande. Les constructeurs de l'extrême, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion, mais ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Alors, chose importante maintenant, on va faire un point quand même sur la météo de ce week-end, Christine Peignard. Oui, alors si vous avez un peu de soleil, il va falloir vous y habituer. Oui, parce qu'on a le soleil, mais qu'est-ce que c'est, Christine? On l'avait perdu, mais, oui. Mais ça y est, on ça le retrouve. Il revient. Alors tous nos amis bretons, en Pays de la Loire également, Basse-Normandie, là vous allez avoir une belle journée aujourd'hui. Ça y est, c'est l'été qui arrive, enfin. Partout ailleurs, beaucoup de nuages encore. Nous aurons pas mal de pluie soutenue, notamment dans le sud-ouest, le Midi-Pyrénées en remontant vers l'Auvergne. Il y a la Bourgogne, la vallée du Rhône également. Sur Paris aussi, on aura des orages, un temps orageux jusqu'aux frontières belges, pratiquement sur tout le pays. En littoral méditerranéen, là aussi, nous aurons un ciel voilé. Il va rester voilé avec du vent, de la tramontane qui va souffler à 70 km/h, notamment cet après-midi. Et du vent également qui va souffler entre PACA et la Corse à 150 km/h, avec de bonnes rafales. Et puis sinon, nous aurons des températures encore fraîches pour la saison. Elles vont remonter cette semaine, mais elles seront encore fraîches. Ça va être la dernière journée froide, finalement. 17, pas plus, à Tarbes, comme à Lille. 19 à Besançon, Montauban, Paris, Nancy, Biarritz. Nous aurons du 20 degrés à Bordeaux, à Strasbourg également, Lyon, Grenoble, Toulouse et jusqu'à 22 à Perpignan. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur AMC. Avec dès 14h Formule 1, les qualifs du Grand Prix d'Europe. 15h UEFA Euro 2016, Belgique-Irlande, suivi à 18h d'Islande-Hongrie. 20h45, rugby top 14, demi-finale Toulon-Montpellier. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi de Portugal-Autriche. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 9h, toute l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, une semaine après les scènes de violence à Marseille, les hooligans de retour à l'Euro de football, incident à Nice et Saint-Etienne hier, et des questions forcément sur la sécurité. Le profil de Larossi à Balin, un peu moins d'une semaine après son acte sordide, les enquêteurs avancent, son lien avec d'autres terroristes sera établi. Et puis le Parti Socialiste doit choisir aujourd'hui quelle primaire organiser. La piste du scrutin restreint autour des proches du gouvernement tient la corde. Il est 9h sur RMC, bonjour à tous. Quand ils ne sont pas russes ou anglais, ils sont croates ou espagnols. L'Euro de football et ses pseudo-supporters qui ont encore fait parler d'eux hier soir. Violence à l'extérieur du stade et surtout à l'intérieur, incident spectaculaire à Saint-Etienne notamment, Mélanie Delaunay. Nous sommes au stade Geoffroy Guichard. On joue la 86e minute du match Croatie-République tchèque. La Croatie mène au score quand les esprits s'échauffent en tribune. Encore 4 minutes dans cette période. Oh, une bombe agricole qui vient d'exploser juste à côté d'un stadier, j'ai l'impression. Il a été projeté à terre. Il est aidé par deux autres stadiers. Voilà, l'arbitre, monsieur Klattenburg, qui va peut-être interrompre la rencontre. On est encore en train d'éteindre des fumigènes. Une dizaine de fumigènes allumés, une bombe agricole qui explose. L'arbitre interrompra le match pendant 4 longues minutes, puis des bagarres éclatent dans le COP croate. Bref, une fin de match très mouvementée et des questions sur la sécurité du stade. Saint-Etienne, où pourtant 2000 policiers et militaires sont mobilisés. Un tournoi entaché hier aussi à Nice lors du match Espagne-Turquie. 3 fumigènes et 4 pétards ont été allumés dans le COP turc. Au total, 16 interpellations, dont 11 ultra-espagnols. Des ultra-espagnols, notamment des néo-nazis, c'est ce qu'explique Nice matin. Ce matin, Mélanie, on parlait forcément des fumigènes, des bombes agricoles à l'intérieur des stades. Cela pose beaucoup de questions sur la sécurité, sur les fouilles. Philippe Broussard, journaliste spécialiste du milieu hooligan, est assez fataliste. Le risque zéro n'existe pas. Il n'y a rien de plus facile que de faire entrer un fumigène dans un stade. Il y a certes des fouilles, des palpations, mais pour être très clair, si vous rentrez quelque chose dans votre pantalon et que vous êtes un homme et que vous passez les filtres de sécurité, il n'y a aucun problème. Et ça se fait très naturellement, j'allais dire. Beaucoup de groupes ultra sont rodés à cette pratique, et surtout en Croatie. Il y a obligatoirement des failles dans le dispositif. Ça commence effectivement à faire beaucoup, surtout que les autorités françaises avaient beaucoup insister sur le thème qu'elle maîtrise la situation, ainsi de suite. Là, c'est difficile. Philippe Broussard, interrogé ce matin par Anaïs Sens. L'Euro de football sur le terrain, cette fois-ci hier, l'Espagne a brillé. 3-0 victoire face à la Turquie, victoire également pour l'Italie, 1-0 face à la Suède, et puis 2 partout entre la Croatie et la République tchèque. Les Bleus, eux, prennent le chemin de Lille aujourd'hui. Ils y affronteront demain la Suisse, dernier match de poule, et des dossiers à régler, celui de Paul Pogba, notamment. Steve Savidan espère que demain soir il prouvera ce qu'il vaut enfin. Lui, il a donné sa volonté de vouloir jouer plutôt milieu gauche. Et ben, c'est pourquoi pas reposer Blaise Matuidi, qui a fait ses 2 premiers matchs, et le mettre à la place de Matuidi sur ce côté gauche. Déjà, ça lui donnerait un peu ses responsabilités. Hein. C'est, t'as voulu jouer là, je te mets là, maintenant c'est à toi de le faire. J'espère pour l'équipe de France, et particulièrement pour lui, qu'il va se retrouver sur ce 3e match pour lui donner confiance. Parce que on sait très bien que si on veut aller loin dans cette compétition et voir pourquoi pas la gagner, il faudra qu'il y ait un Pogba au top du top. Et le programme du jour, le programme de ce samedi, Portugal-Autriche, Islande-Hongrie, ce soir, les Belges doivent se relancer face à l'Irlande. De toute façon, ils n'ont pas le choix, Vincent Delesco. Oui, puisque les Diables Rouges sont tout simplement bons derniers de leur groupe. Un scénario presque impensable où les louanges ont fait place aux critiques. Le gardien Thibaut Courtois ne les écoute pas. Notre équipe, si on est au top, parfois ils disent qu'on est les meilleurs, qu'on est les favoris. Quand tu perds un match, on est les pires, on ne sait pas jouer au foot. Donc on est tranquille avec ça et on va montrer ça sur le terrain. Tensé pour ses choix, Mark Wilmot s'est su aussi de nombreux reproches en Belgique, mais le sélectionneur ne compte pas dramatiser la situation. Il faut toujours remettre tout dans le contexte, ce n'est qu'un match de foot. Il n'y aura pas mort d'homme, il n'y a rien. Moi j'ai toujours dit qu'on était outsider pour gagner les matchs. De temps en temps, la pièce elle tombe d'un côté ou de l'autre. Et donc sur un tournoi, ça peut énormément varier. Et en cas de nouvelle défaite, la Belgique jouera son va-tout lors du dernier match de poule contre la Suède de Zlatan Ibrahimovic. La suite des sports, le rugby notamment, c'est à la fin de ce journal. Qui est Larossi Abala? Les enquêteurs semblent avancer un peu moins d'une semaine après son acte sordide, le meurtre d'un couple de policiers à Magnanville, dans les Yvelines. Selon l'agence Reuters, il y aurait un lien entre Larossi Abala et un autre présumé terroriste, Sid Ahmed Glam, l'étudiant franco-algérien qui projetait des attaques contre des églises et qui aurait tué Aurélie Châtelain à Villejuif en avril 2015. Par ailleurs, les enquêteurs ont également interpellé un quatrième homme présumé proche du terroriste, Larossi Abala, jeune homme dont nous fait le portrait Marc Trévidic. Ancien juge antiterroriste, il l'a croisé lors de ses enquêtes. C'était quelqu'un d'hermétique, impossible d'ouvrir un dialogue. Lui, c'était complètement fermé, il ne répondait pas aux questions, il niait tout. Il était dans une position de fermeture totale et j'ai jamais pu trouver la clé, le petit espace pour avoir un échange, je dirais presque en être humain quasiment. Et ça fait partie des personnes, j'en ai connu quelques-unes comme ça, où quand on a fini l'instruction, on se dit nécessairement on le reverra. Marc Trévidic interrogé hier soir sur BFM TV. La menace terroriste, l'état d'urgence et les angoisses de certains maires. Nous sommes à Rambouillet dans les Yvelines ce matin. La ville a décidé d'annuler la fête de la musique. Les effectifs policiers sont trop épuisés pour assurer une vraie sécurité pour un tel événement. Voilà l'argumentaire du maire Antoine Perrin. Ça ne fait pas du tout plaisir aux habitants. Et les plus déçus, ce sont les jeunes. Cet événement est très attendu. Et puis la fête de la musique est très populaire ici, explique ces lycéens. Il y a pas mal de gens, il y a du reggae, il y a du rock. C'est sympa de voir les scènes, tout ça. Bah, c'est vrai qu'à Rambouillet, il n'y a pas trop de menaces. Bon, la meilleure des réponses, ça aurait été de garder l'événement. Au fond, certains habitants pensent que le maire est en train de céder à la peur. Pascal est gérant d'une brasserie. Dans la panique, on décide carrément de supprimer tout parce qu'il y a cette menace terroriste. À ce moment-là, c'est la peur au ventre. À ce moment-là, j'ouvre plus mon rideau dans mon commerce. On voit plus au cinéma et on ne vit plus à ce moment-là. Donc il y a lieu à un moment donné de faire face à ce genre de choses. Alors on a demandé à Marc Robert, le maire de Rambouillet, a-t-il l'impression d'avoir baissé les bras ? Ah, je pense que le monde a changé, oui, on va dire ça comme ça, qu'aujourd'hui il y a une menace sur le pays et ailleurs. C'est la seule fête que j'annule à Rambouillet. Elle est symbolique, hein, elle est forte. Les maires ont beaucoup de responsabilités, on sait leur en donner beaucoup. La prévention en est une, monsieur, et à travers cette responsabilité qui est la mienne, je ne veux faire prendre aucun risque. L'événement devait rassembler entre 15 et 20 000 personnes dans la ville. Le reportage à Rambouillet d'Antoine Perrin. Trafic totalement interrompu cette nuit dans le port de Calais, en cause de plusieurs migrants aperçus en train de nager dans le port. Ils tentaient de rejoindre le quai d'embarquement pour monter dans un ferry direction l'Angleterre. Entre 2h et 3h30, cette nuit, les ferries au départ sont restés à quai. Ceux en provenance de Douvres ont dû attendre au large de Calais. La politique ce samedi avec le Parti Socialiste qui tient son congrès et qui doit se mettre d'accord donc sur les modalités d'une primaire en vue de la présidentielle l'an prochain. La piste d'une primaire des gauches semble oubliée. Un scrutin entre proches du gouvernement semble plus plausible. Et c'est déjà un premier pas pour le frondeur Alexis Bachelet. Pour nous, c'est plutôt une bonne surprise. Effectivement, il faut après peut-être préciser les contours. Est-ce que ça veut dire qu'on acceptera aussi une pluralité de candidats issus du Parti Socialiste ? Moi, je souhaite éventuellement que ça crée une dynamique et que peut-être des gens se manifestent pour rejoindre et participer à cette primaire, parce qu'on a besoin de ce débat à gauche et aussi de se rassembler, parce que l'objectif des primaires, c'est pas seulement de débattre, c'est aussi d'organiser un rassemblement en vue de l'élection présidentielle. Alexis Bachelet interrogé par Rémi Barret. 9h08 sur RMC. Le rugby ce week-end, demi-finale de Top 14 et le Racing qui a fait l'exploit hier en battant Clermont après prolongation. Qui pour rejoindre les Franciliens en finale, Toulon et Montpellier se disputent la place aujourd'hui. Et le capitaine toulonnais Guilhem Guirado se méfie des Montpelliérains. On a vu qu'ils avaient eu des soucis durant le début de saison, un peu comme toutes les équipes. Et que là, depuis l'apport de joueurs, que ce soit Spice ou Stein, ça leur a fait vraiment du bien. Et on a pu aussi s'y frotter il y a moins de mois. Donc on sait à quoi s'attendre. C'est costaud, ils sont très massifs. Ils aiment porter le ballon et du jeu direct. Ça se joue sur des détails, c'est demi-finale. Mieux on tiendra le ballon et moins on sera en danger. Voilà, match à suivre cet après-midi sur RMC. Et puis une qualification pour les Jeux Olympiques. Les filles du basket se sont qualifiées hier. Elles seront à Rio l'été prochain. Elles se sont qualifiées lors du tournoi de qualification olympique. 9h09 sur RMC. Les courses pour terminer, François Sorel. Avec un tiers écarté quintet plus cet après-midi à Anguin, Thomas, Sébastien Arras aime beaucoup le 11 Geisha Sind et le 15 Orient Horse. Brahim Asloum nous conseille le 16 Peak Chronos. Et Laurent Godard, quant à lui, retient le 6 For Pleasure As et le 14 Pingus Vang. Le 11, le 15, le 16, le 6 et le 14. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bientôt les vacances et bientôt on va s'éloigner de notre maison. Mais comment peut-on protéger notre maison ? Simulation de présence, surveillance temporaire, home sitting. On fera le point sur tout ce qui est disponible. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir poser vos questions et réagir sur ce sujet dès maintenant au 3216 ou maison@rmc.fr. Le week-end des experts maison dans un instant sur RMC. RMC. L'UEFA Euro 2016, c'est sur RMC que ça se passe. Aujourd'hui à 15h, Belgique-Irlande. 18h, Islande-Hongrie. Et à 21h, Portugal-Autriche. RMC, numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Toute la passion du foot avec Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto-neuves et d'origine sur Internet. Votre toit protège votre famille. Mais qui protège votre toit ? C'est Ciplast, bien sûr, le leader de l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent depuis 60 ans. Grâce aux barrières radiantes de sous-toiture Thermix et Super Reflex, prolongez la durée de vie de la charpente et augmentez le confort thermique de votre maison en gagnant jusqu'à 6 degrés, été comme hiver. Demandez à votre couvreur et retrouvez toutes nos solutions de sous-toiture sur Ciplast.fr. Bonjour patron. Bonjour. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non ? Mais enfin, Berthier, vous vous sentez bien ? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien quand on conduit Citroën C4 avec kit main libre Bluetooth et 7 ans d'assistance offerts. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C4 Vitamine est à partir de seulement 13 990 euros. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Le Monde présente Agir, la troisième édition du Monde Festival. Culture, sciences, environnement, nouvelles technologies, politique. Écoutez, réagissez au débat, participez aux ateliers et profitez de spectacles inédits. Rendez-vous à l'Opéra Bastille, au Palais Garnier et au Théâtre des Bouffes du Nord du 16 au 19 septembre. Programme et réservation sur lemonde.fr/festival. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam ! La blonde d'Aquitaine, elle, elle serait plutôt... Ah ! Vous n'entendez pas la différence ? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Il est 9h12, c'était RMC, et c'est le week-end des experts, la deuxième partie de notre rendez-vous maison avec Christian Pesset. On va maintenant s'intéresser à la protection de la maison pendant les vacances, Christian. Oui, il y a d'autres solutions complémentaires, évidemment, aux alarmes, aux blindages de portes, aux serrures. Il y a tout simplement la possibilité de faire en sorte que l'on pense que la maison est habitée ou qu'elle l'est réellement pendant la période estivale. Prenons l'exemple de votre magnifique villa. Voilà, tout à fait. De 12 chambres. Comment faites-vous pour la protéger l'été quand vous partez en hélicoptère dans votre résidence secondaire? Je laisse mon chien. Je lui donne des croquettes pour un mois. Oui, mais votre chien, c'est le problème. Une solution. Le problème, c'est que votre chien est tellement gourmand qu'il laisserait rentrer n'importe quel cambrioleur qui viendrait avec un sandwich. Bien sûr. C'est ça. Alors, nous avons beaucoup d'invités ce matin dans notre studio. Nous avons Stéphane Boyadzis, qui est major de police. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes référent en sûreté dans le Val d'Oise. Et vous allez nous donner les conseils de sécurité adoptés. Et vous allez nous informer sur le dispositif Tranquillité Vacances. Vous savez, ce dispositif qui permet de prévenir les forces de l'ordre. Qui vont surveiller un peu plus, je pense même beaucoup plus, votre maison. Nous avons aussi avec nous Patrice Degnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Maisons et Services et on va voir avec vous les prestations de surveillance temporaire, la relève du courrier, l'ouverture des volets, l'aération des pièces, l'arrosage des plantes et autre chose encore pendant que vous n'êtes pas chez vous. Julien Benoît, qu'on a déjà eu dans cette émission, fondateur de ProtectHome.fr, avec vous, on va voir la distribution de dispositifs de sécurité et notamment des systèmes de simulation de présence. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Marie-Annick Ferrari, fondatrice de Nomador, une communauté internationale de home sitting, c'est-à-dire ce sont des gens qui viennent chez vous pendant que vous n'y êtes pas. Tout à fait. Voilà. Et bonjour. Bonjour. Bien, écoutez, on a là une belle brochette d'invités, la formule. Là, je pense qu'on va pouvoir répondre aux questions des auditeurs. Pour le barbecue, ça, c'est idéal. Quoi. Ma première question sera pour Stéphane Boyadzis, donc major de police. Vous pouvez nous parler donc du dispositif qui est mis en œuvre depuis un certain nombre d'années, Tranquillité Vacances, c'est quoi ? Tout à fait. Alors cette opération Tranquillité Vacances, a été mise en place en 1974, ce qui fait quasiment depuis 42 ans. Elle a été étalée au niveau des vacances scolaires à partir de 2009. Et depuis 2013, elle concerne tous les mois de l'année pour tous les gens qui partent en vacances, puisqu'on s'est aussi rendu compte que les seniors partaient hors période scolaire. Ah oui. Donc il fallait aussi surveiller les habitations, les pavillons de ces gens-là sur toute l'année. Voilà. Alors concrètement, ça fonctionne comment ? Alors les gens viennent se manifester auprès des services de police et de gendarmerie, suivant la zone de compétence où ils habitent. Ils remplissent un formulaire. On peut aussi le faire en ligne dans certains départements. Et puis, les services de police viennent chez vous de manière aléatoire. Pendant qu'on n'est pas là. Il vaut mieux, oui, c'est pour ça. Assurer une surveillance plus optimale, à des moments différents. On varie les horaires, le jour, la nuit, de façon à ce que toutes les patrouilles, qui soient de jour ou de nuit, puissent intervenir chez vous. Laisse un petit mot. S'il se passe malheureusement quelque chose, mais les faits sont en train d'être très à la baisse sur les pavillons qui sont surveillés et les habitations, les familles sont avisées sur leur lieu de villégiature et puis les personnes peuvent prendre le relais pour éviter que les gens reviennent de vacances et cette surveillance fonctionne très très très bien. Et c'est gratuit ?

bien évidemment préférable de fermer ses fenêtres et ses volets, mais s'il y a forcément eu une effraction de fenêtre, forcément votre contrat d'assurance prendra le relais et vous serez couverte par votre assurance, madame. D'accord. Ah, mais c'est gentil. Mais alors, est-ce que juste, ça peut être aussi la solution, c'est de faire ouvrir et de faire fermer les volets par quelqu'un. Et là, nous avons Patrice Deniaux qui va nous apporter une solution. Oui, tout à fait. Justement, grâce au service à la personne. Alors, Maison et Service, d'abord, c'est important de le rappeler, est un réseau d'entrepreneurs indépendants. Mmh. Et Maison et Service, son travail premier, c'est de faire tout ce qui est le ménage, le repassage, d'accord, et le jardinage chez les particuliers. Et par extension, vous êtes... Et voilà, c'est ça. Et donc, nous, vous nos clients... Vous avez été conduits à faire ce genre de prestations. Et dans le champ des services à la personne, puisque nos prestations sont déductibles pour 50% du montant des impôts, nos prestations seront temporaires, justement, c'est... Alors, pour la résidence principale ou la résidence secondaire, parce que c'est intéressant aussi, on pourra en parler tout à l'heure. Donc, justement, le but, c'est de simuler la présence. Donc, ça veut dire que on peut avoir besoin d'une prestation de surveillance temporaire pour arroser ses plantes, si en cas d'orage, vérifier que le congélateur n'a pas disjoncté, qu'il n'y a pas d'invasion de fourmis, enfin, que sais-je, des exemples, j'en ai 30 ou 40. Mais aussi, justement, le fait d'aller chaque matin ouvrir les volets et les refermer le soir, c'est dérisoire en termes de coût, puisque c'est un quart d'heure par-ci par-là. Nous sommes, nous, que des entreprises de proximité. Alors, bien évidemment, là où il y a un maison et service, c'est-à-dire sur presque trois quarts du territoire français. Mais et ce sont bien les entrepreneurs indépendants de proximité et qui vont venir chez vous pour simuler une présence. Donc, ça va être la possibilité là-bas d'ouvrir ou de fermer le donc, volet. Donc, ils font une tournée, c'est ça? Ils font une tournée de toutes les maisons dont ils doivent s'occuper tout au long de la journée? Tout à fait. Alors, en fonction d'eux, alors si c'est bien sûr l'été, on a énormément de clients, donc automatiquement, là, on organise une tournée, mais si c'est tout au long de l'année comme nous intervenons en permanence, si je vais chez Christian, son voisin est en vacances, automatiquement la personne qui va intervenir ira relever le courrier. C'est des prestations de quart d'heure ou de demi-heure, donc c'est des prestations très très courtes. Marie-Annick Ferrari, c'est aussi ce que feront des personnes qui viendront là cette fois. On va développer un peu plus ensuite votre prestation entre guillemets. Sans donc que là on met des gens qui vous remplacent dans la maison. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, ça n'est pas de la simulation de présence, c'est de la vraie présence. D'accord. Donc, évidemment, ils ouvriront, ils fermeront les volets. Ils ouvriront, ils fermeront les volets, puis ils donneront les croquettes à votre chien. Ça vous évitera de devoir lui laisser tout le stock avant de partir. Le problème, c'est qu'ils risquent de manger tout le stock. Et puis, ils le sortiront, j'espère. Parce que sinon, il risque d'y avoir quelques accros dans le tapis. Tout à fait. Ça fait partie du plaisir des gens qui viennent. D'accord. Et la simulation de présence, alors ça peut se faire aussi donc avec du matériel, Julien Benoît. Oui, ça peut se faire effectivement d'un point de vue purement technologique et avec les moyens actuels. Donc tout simplement en branchant ce sont soit des petites prises que vous allez brancher sur le secteur. Oui. Qui vont se pluguer sur votre réseau Wi-Fi domestique et que vous allez pouvoir piloter à distance avec votre téléphone. Ah oui. Donc l'idée, c'est pas seulement le minuteur qui allume la télé. C'est plus sophistiqué que ça. Non, vous êtes sur votre Transat, Christian, et avec votre smartphone, vous pouvez télécommander votre maison. Tout à fait. Vous pouvez tout à fait programmer des plages horaires d'allumage de vos lumières. L'idée première, c'est de simuler la présence d'une maison, et je dirais même plus, c'est de donner vie à la maison. C'est-à-dire que là où ça devient intéressant, c'est lorsque vous pouvez combiner plusieurs pièces avec ce type d'appareil qui vont s'allumer 10 secondes après l'autre, etc. C'est vraiment donner vie, un passage dans la maison. Et là, une scénarisation. C'est une scénarisation de la présence. Donc on peut mettre la radio en route, écouter RMC, tout ça, un enregistrement des aboiements du chien. Il faudrait que le cambrioleur mette son oreille sur la porte pour l'entendre. Donc c'est quand même beaucoup plus efficace de procéder à l'allumage des lumières. Donc voilà, l'idée première, ça reste quand même, puisqu'on dit, ça reste quand même d'empêcher le cambrioleur de rentrer plutôt que d'être averti qu'il est là. Et c'est vrai que la simulation de présence est un bon moyen. Après, attention, parce que ça reste juste un bon moyen, forcément, de la nuit. Puisque la journée, vous pouvez allumer la lumière. Donc voilà, à savoir que la nuit, on a tendance à dire que ça représente que 20% des taux de cambriolage. Donc les 80 autres, c'est la journée. Donc il y a quand même d'autres moyens à mettre en place pour éviter que les gens rentrent dans la journée. Mais ça peut aussi faire fonctionner des volets roulants ou des stands, par exemple. Effectivement, aujourd'hui, il y a des systèmes qui vont permettre de faire lever les volets roulants. Effectivement. Faire lever les volets roulants, ça, c'est peut-être aussi un moyen supplémentaire pour un cambrioleur de rentrer, non? ça peut, c'est un frein effectivement. Oui, mais si on peut ouvrir le volet à distance. Oui, alors, oui, mais la journée, il vaut mieux avoir le volet ouvert plutôt que fermé, parce que s'il est fermé, ça démontre qu'il y a personne dans la maison. Exactement, exactement. Et puis c'est encore mieux si un voisin peut venir les fermer le soir. Oui. D'accord. 9h26, on revient dans un instant, Christian. Mais oui. Avec nos invités. Et on va poursuivre. On parle de la maison quand on est en vacances. Comment la surveiller, cette maison? Comment la sécuriser avec nos invités? Et puis, vous pouvez à tout moment nous appeler au 3216 pour poser vos questions. 3216 ou maison@rmc.fr. À tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, Votre Maison sur RMC. Chaque samedi, RMC PMU.fr présente les courses RMC. De 13h à 14h, une heure avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses hippiques du week-end. Tout à l'heure, 13h, 14h, les courses RMC, le rendez-vous des parieurs hippiques, uniquement sur RMC avec PMU.fr. PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Pendant ce temps, chez Renault... Vous en connaissez beaucoup des endroits branchés avec 5 portes? Voici Twingo, branché et même connecté avec mon smartphone et l'application Rengo. En juin, Renault Twingo est à partir de 129€ par mois, sans apport, sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Offre pour Twingo Life SCE 70 LLD 49 mois 40 000 km maximum sous réserve d'acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réserve particulière jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Votre application RMC Sport évolue. Téléchargez-la gratuitement. RMC Sport, plus qu'une équipe, une Dream Team. Carrefour. Hé Claire, ils sont top leurs petits hauts chez Carrefour, moi j'en prends un. Alors moi aussi. Et leurs shorts, regarde. Si t'en prends un, j'en prends un aussi. Bah dis donc, tu fais tout comme moi aujourd'hui, pourquoi? C'est les immanquables chez Carrefour jusqu'au 21 juin. Pour 2 articles textiles achetés, le deuxième est 100% remboursé sur la carte Carrefour. Ah, j'aime bien ce petit pantalon aussi. Jusqu'au 21 juin, profitez des immanquables dans vos hypermarchés Carrefour. Pour 2 articles textiles achetés, le moins cher des deux est 100% remboursé sur la carte Carrefour. Valable sur les produits signalés par une pastille de couleur. Modalité magasin participant sur carrefour.fr. Carrefour. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Et c'est avec Christine Peña qu'on fait un point complet sur la météo de ce week-end. Bonjour Christine. Bonjour François et bonjour à tous. Alors la météo encore compliquée aujourd'hui, très pluvieuse. À Paris, on a de belles éclaircies ce matin, mais on aura de la pluie, cet après-midi. Un temps orageux nous promet Météo France. Ça va s'estomper en soirée. Et surtout demain, on va vraiment sentir l'anticyclone qui arrive. Il est en Bretagne, en Pays de la Loire, en Basse-Normandie. Il fait beau aujourd'hui. Quelques tout petits risques d'averses, mais le soleil l'emporte. Et puis sur le pourtour méditerranéen, là aussi vous avez un ciel voilé avec des températures agréables uniquement en bassin méditerranéen où on atteindra quand même les 25 degrés cet après-midi, alors que partout ailleurs on est entre 17 et 21 degrés, pas plus, on aura 19 à Paris par exemple. Sinon partout ailleurs, donc je vous le disais, très nuageux avec un gros risque d'averse. Là où elles sont le plus soutenues ces averses, c'est vraiment en Midi-Pyrénées, Auvergne, Bourgogne ou encore en vallée du Rhône. Les températures, donc le détail, 20 degrés à Grenoble, Limoges, Lyon, Toulouse, Agen, Strasbourg ou encore Bordeaux, 17 à Lille et à Tarbes. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. RMC, 9h30, un point sur l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. L'enquête, un peu moins d'une semaine après l'acte sordide de Larossi Abala. Ce matin, deux proches du terroriste ont été déférés devant la justice antiterroriste. Et puis selon l'agence Reuters, les policiers ont établi un lien entre le terroriste et Sid Ahmed Glam. Sid Ahmed Glam, c'est ce franco-marocain qui envisageait d'attaquer des églises d'Île-de-France. Le terrorisme encore et toujours, on l'apprenait il y a quelques minutes, vaste coup de filet en Belgique. Cette nuit, 12 personnes ont été arrêtées, 12 personnes personnes placées en garde à vue, coup de filet dans un groupe qui envisageait des attaques et coup de filet dans, principalement dans la région de Bruxelles. On y reviendra avec plus de détails dans le journal de 10h. La politique, ce samedi, certains voulaient une primaire de toutes les gauches. A priori, c'est raté. Conseil national du PS aujourd'hui est en Libération. Ce matin, le patron du parti, Jean-Christophe Cambadélis, dévoile ses intentions. Une primaire aura bien lieu, mais une primaire entre proches du gouvernement. La grève reconduite chez Air France. Le principal syndicat de pilotes l'annonçait hier soir. Grève du 24 au 27 juin prochain. Mouvement pour défendre l'emploi et les rémunérations. L'Euro de football avec l'Espagne qui a frappé fort hier soir. Victoire 3-0 face à la Turquie. L'Italie aussi a gagné 1-0 face à la Suède, de partout entre la Croatie et la République tchèque. Et hier soir, 16 personnes ont été placées en garde à vue à Nice en marge du match Turquie-Espagne. 11 ultra-espagnols ainsi que 4 supporters turcs à Saint-Etienne, également au stade Geoffroy Guichard. Le match entre la Croatie et la République tchèque a été interrompu à cause de fumigènes. Aujourd'hui, 3 rencontres: Belgique-Irlande, Portugal-Autriche et Islande-Hongrie. Puis le sport, c'est le rugby, également demi-finale de top 14. Le Racing s'est qualifié pour la finale hier soir en battant Clermont après prolongation. Aujourd'hui, Toulon et Montpellier s'affrontent pour la dernière place. 9h31 sur RMC. Vous êtes avec Christian Pessé et François Sorel. Votre maison, messieurs. Merci beaucoup, Thomas. Et on se retrouve demain. Et prochain point sur l'actualité, ce sera à 10h sur RMC. Dans un instant, le retour de la maison. Protéger sa maison pendant les vacances. On en parle jusqu'à 10h avec nos invités. Vos questions, bien sûr, au 32-16. À tout de suite. RMC, le week-end des experts. 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pessé. Il est 9h32, le retour du week-end des experts. La maison, comment protéger sa maison? Comment la sécuriser alors qu'on part en vacances, 1, 2, voire 3 semaines, ou peut-être plus? On en parle ce matin, Christian, avec des invités qualifiés. Oui, tout à fait. Nous avons notamment Stéphane Boyadzis, donc de la police nationale. Et justement, ma question va être pour lui. Il y a quand même un certain nombre de gestes, je dirais, de gestes de prudence et de bon sens à adopter. J'imagine que vous êtes en mesure de les répertorier. Il y en a beaucoup, mais est-ce que vous pourriez donner quelques conseils de base pour adopter le minimum d'attitude de prudence pendant l'été? Le bon sens. Ben déjà, il ne faut jamais laisser une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. Ne pas des démarcheurs exactement. Oui. De placer ses bijoux, ses cartes de crédit, sac à main, clés de voiture en lieu sûr. Ne pas mettre ses coordonnées, son adresse sur ses clés. Ah exactement. Oui, ça c'est un classique. Eh oui. Eh oui. Si on possède un coffre-fort, il ne doit surtout pas être apparent. Bien évidemment, scellé dans le mur. Dans le mur, parce que sinon, ils emmènent le coffre. Tout à fait. Évidemment. Et puis, je rappellerai bien évidemment, en cas de problème, de bien faire appel au 17 pour les forces de police et de gendarmerie. Oui. C'est un numéro très important à connaître. Voilà. Tout à fait. Le 17. On ne le sait pas toujours. Yvon est avec nous, messieurs, dames. Bonjour, Yvon. Bonjour François, bonjour Christian. Bonjour. Je suis très heureux de vous écouter. Bonjour François, oui. Bonjour Christian. Je suis très heureux de vous écouter tous les samedis. C'est alors, gentil. Je voulais parler ma question. Alors voilà, moi je suis électricien en retraite depuis peu. Oui. Je confectionne moi-même ma installation de sécurité d'intrusion. Oui. Hein, à savoir que c'est du matériel comme un MNF, c'est du matériel Legrand, c'est du matériel télémécanique. Enfin, ce sont des détecteurs. Des bonnes marques. Comment? Des bonnes marques. Des bonnes marques, alors avec un détecteur 360 degrés à l'intérieur du oui. Que je peux mettre à chaque étage. Donc j'ai une sirène de 90 décibels. Eh bien dites-moi, ça va pour les oreilles. Oui, bien à l'intérieur. Hein, oui. À l'extérieur. Ah oui, ça ne sert à rien à l'extérieur. Oui, et que je peux laisser régler de 30 secondes à 10 minutes. Oui. Déjà une question, quel est le temps qu'on peut mettre maximum, mais minimum on va dire. Mais alors quelle est votre question globalement? Alors ma question est, par rapport à l'assurance, c'est du matériel, donc c'est l'installation que je fais moi-même. Oui. Je n'achète pas de matériel de centrale, on va dire, je n'achète pas de centrale toute faite, hein, mais étant donné que moi ce n'est pas breveté mon affaire. Oui, vous êtes un... Vous voulez savoir si l'assurance va prendre en compte votre système de sécurité, c'est voilà, ça? Voilà, alors Julien Benoît de Home Protect, on est libre d'installer... Pardon, Protectant. Protectum, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Home Protect. Ah oui, j'ai fait l'inverse. C'est pas mal. Dites-moi, on est libre d'installer son alarme et de toute façon, ça n'a aucun lien avec l'assurance. Absolument aucun. L'assurance, elle n'en sera que ravie que Yvon ait installé quelques protections que ce soit chez lui, surtout après un cambriolage. Après, premier point déjà, c'est que monsieur est apparemment électricien. Donc c'est déjà un bon point au niveau de l'installation qui paraîtra, je pense, conforme. Après, pour revenir à l'assurance, non, elle n'en sera que ravie et ne peut qu'encourager ce type de démarche et surtout après un cambriolage. Bien sûr. Voilà. Donc pas de souci. Que dit la police? La police dit que le système finalement peut être efficace, surtout si les images de vidéoprotection sont de bonne qualité. Ça peut être un complément d'enquête, un élément pour les services d'enquête pour éventuellement identifier les auteurs. Alors, on peut quand même imaginer qu'il y a un souci. Alors là aussi, quelles sont les démarches tout de suite à accomplir quand on a malheureusement eu une intrusion, un cambriolage? La première des choses, c'est bien évidemment de ne toucher à rien pour préserver les traces et indices des services spécialisés qui interviendront vite. Bien sûr. Tout ce qui peut être traces ADN, traces empreintes digitales, etc. Voilà, donc ne toucher à rien, faire appel au 17, comme je disais tout à l'heure. Mm-hmm. Et puis de limiter les dégâts, de refermer ce qui peut l'être. Moi, j'apporterai témoignage. Hein. Mes voisins avaient été à Paris, ils avaient été cambriolés. Et dans les quelques heures qui ont suivi, j'ai vu débarquer carrément les experts. Les experts à Paris. Les experts à la Tour Eiffel. Mais j'étais très surpris parce qu'effectivement, il y avait tout un tas de police scientifique, on va dire. Et pour quelque chose qui était quand même. Oui. Il y avait un cambrioleur qui était sorti d'ailleurs de pratiquement dans nos pattes lorsqu'on était sur le palier avec la voisine et j'avais été très surpris du sérieux de effectivement et c'est important parce des investigations. Les personnes sont souvent victimes d'un traumatisme et donc de voir ces services qui interviennent peuvent aussi les rassurer après avoir perdu des biens et qu'on peut mettre en avant des moyens techniques pour éventuellement résoudre ou retrouver leurs affaires, c'est aussi important pour elles. On a un petit mail de Gérard qui nous dit en fait la plupart des cambrioleurs savent que ils ont un quart d'heure pour agir. Même s'il y a une alarme qui sonne, etc. Et ceux qui gardent, qui ont l'habitude de ce genre de situation, gardent leur sang-froid et ont un petit quart d'heure devant eux avant que, par exemple, les forces de police ou les sociétés de gardiennage viennent. C'est vrai ou pas? Je vais dire même beaucoup moins qu'un quart d'heure. Ça va très très vite. Maintenant, on emporte du numéraire, des bijoux, de l'informatique. On n'emporte pas de gros objets. Donc, on fait le tour de la maison très rapidement. Tout ce qui est visible et tout ce qui a été laissé apporter. Donc ça se fait en quelques minutes. En quelques minutes, voilà. 3-4 minutes, je veux dire un quart d'heure. Mais là, vous n'avez pas le temps de réagir, en fait. Non. Personne n'a le temps de réagir. Non, mais après, ce qui est important, c'est le signalement des voisins, peut-être du voisinage, qui a pu peut-être éventuellement voir et apporter ces éléments aux services de police qui interviennent. Souvent, les enquêtes n'interviennent pas rapidement, mais sur la durée. Julien Benoît. Oui, pour rebondir, c'est vrai que la moyenne actuelle des cambriolages, c'est tout confondu, effraction plus les faits, c'est 3 minutes. Aujourd'hui, les cambriolages qui durent du temps et où le cambrioleur prend toute la maison, c'est à peu près fini. Ça existe encore, mais c'est vrai qu'ils prennent tout ce qui est rapide à prendre et surtout à se revendre facilement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'alarme, c'est un bon moyen de les faire fuir et surtout d'éviter qu'ils se disent bon, j'ai que quelques minutes. Exactement. Quoi, en fait, de limiter le temps d'intervention du cambrioleur. Après, voilà, malheureusement, ça les empêche plus de rentrer. C'est vrai que c'est une solution pour les faire fuir, mais c'est pas une solution pour les empêcher de faire rentrer. D'où l'intérêt de simuler une présence ou d'avoir une présence qui est la meilleure des précautions. Tout à fait. Mais pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est simuler la présence, c'est effectif de nuit. Après, il y a quand même tout le jour qui reste, qui représente 80% des cambriolages. Et là, j'aurais tendance à donner un autre petit conseil, c'est que, et partant du postulat surtout, qu'il est préférable d'empêcher un cambrioleur de rentrer plutôt que de savoir qu'il est rentré grâce à l'alarme, c'est quand même d'apporter des petites solutions assez simples comme des verrous de baie vitrée lorsque vous en avez une, des verrous pour des volets roulants lorsque vous en avez. Mais c'est tout bête, mais. C'est des petites solutions Une porte coulissante de véranda, ça se recette. C'est 10 secondes. Une porte coulissante, une baie vitrée, c'est 10 secondes sans effraction. Et d'ailleurs, c'est un problème pour aussi rebondir sur le problème d'assurance. C'est un problème pour les assurances qui constatent très peu les fractions sur baie vitrée. C'est ça, donc, et qui ne remboursent pas forcément dans ce cas-là. Nous, on a le cas très fréquemment hein, de personnes qui nous appellent en nous dévoilant ces problèmes-là. Donc voilà, la plupart, 80% aujourd'hui des baies vitrées sur le marché, c'est 10 secondes pour les ouvrir. Et c'est 10 minutes pour monter un petit verrou de baie vitrée dessus et pour complètement la sécuriser. Donc c'est aussi quand même un excellent moyen d'empêcher les cambrioleurs de rentrer et ce qui évite, comme disait monsieur, le traumatisme des fractions. Ça vaut combien un verrou de baie vitrée? Alors, un verrou de baie coulissante, c'est 26 euros. Après. Donc oui. c'est 26 euros, vous n'avez aucun moyen derrière d'ouvrir votre baie vitrée. C'est totalement c'est ultra performant. Moi j'avais une petite question pour Stéphane Boyadis. Est-ce que que risque un cambrioleur aujourd'hui? Est-ce que la punition pour un cambrioleur est à la hauteur de ce qu'il fait? Pas forcément et pas souvent. Alors là, on en revient au service de justice qui juge. Nous, on procède à une enquête et à une procédure. Les services enquêteurs sont pas maîtres de la suite des événements. Oui, c'est-à-dire que vous faites votre travail, mais après, et les peines, c'est quoi en fait pour un cambrioleur? Il va faire de la prison, il va sortir comme ça, on va lui dire attention, c'est pas bien. On peut avoir des peines assorties d'un contrôle judiciaire, on peut avoir de la prison ferme ou avec du sursis pour des récidivistes, mais pour des primo-délinquants ou des primo-cambrioleurs, ça reste relativement peu sanctionnable et peu... Oui, c'est peut-être ça aussi le problème. Finalement, c'est pas encourageant quand même pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que finalement, on est pris sur le fait, on risque pas grand-chose. Enfin bon, ça c'est un autre débat. On revient dans un instant, Christian. Oui, et puis là, on va développer un peu la notion de home-sitting. Très bien, 3216 ou maison@rmc.fr, n'hésitez pas à nous joindre comme Yvon qu'on a eu il y a un instant au téléphone. À tout de suite. Votre toit protège votre famille. Mais qui protège votre toit? C'est Ciplast, bien sûr, le leader de l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent depuis 60 ans. Grâce aux barrières radiantes de sous-toiture Thermix et Super Reflex, prolongez la durée de vie de la charpente et augmentez le confort thermique de votre maison en gagnant jusqu'à 6 degrés, été comme hiver. Demandez à votre couvreur et retrouvez toutes nos solutions de sous-toiture sur Ciplast.fr. Et si on parlait Renault Service? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end, mes pneus sont usés. Ce ne serait pas prudent. Pipo. Pardon? Bien essayé. Mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli. Voir conditions sur Renault.fr. Avec SodaStream, mon eau gazeuse, c'est quand je veux, comme je l'aime. À partir de l'eau du robinet, avec ma SodaStream, en 3 secondes, mon eau est gazéifiée, fraîche ou façon cocktail grâce au saveur SodaStream. Et en ce moment, SodaStream récompense les fans de sport. 40 euros offerts sur adidas.fr ou jusqu'à 3 nuits d'hôtel pour deux. SodaStream, à vous l'eau pétillante à volonté et sans effort. Offre soumise à condition, voire modalité en petite électro. Pour votre santé, bougez plus. Senio vous souhaite une bonne fête des pères. Au fait, tu sais ce qui lui ferait plaisir à ton père, toi? Ouais, il a retrouvé le skate de ses 17 ans. Alors ça sera Bermuda et chemise en lin. Moi, le mien en chemise slim, il fait 10 ans de moins. Sinon, il y a les jeans Senio, il y en a pour tous les styles. Ah, pour mon père, je sais. Il est très foot et très polo. Et ben moi... Ouais. Ben je sais toujours pas. Bon bah du coup, on se retrouve tous chez Celio. Allez. Et pour une idée cadeau de dernière minute, rendez-vous sur celio.com. En ce moment, Celio souhaite aussi une bonne fête à tous les papas supporters. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur EDF.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. Dans Marianne, cette semaine, ils sont fous, ces Anglais. Un numéro exceptionnel à la veille du vote qui décidera de l'avenir du Royaume et de l'Europe. Sa famille royale, ses artistes et ses fromages. L'Angleterre, comme vous ne l'avez jamais vu, avec en grand témoin le cinéaste Ken Loach. Mais aussi cette semaine dans Marianne, l'horreur à Orlando, quand les homosexuels sont la cible de toutes les haines. Marianne, l'hebdo pour penser autrement. Intermarché réinvente la fidélité. Vous en donnez plus ? On ne pouvait pas faire moins. Oui, venez 4 fois par mois chez Intermarché et profitez d'un bonus de 25% sur tous vos avantages cartes cumulés dans le mois. Plus vous venez, plus vous êtes récompensés. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel. Il est 10h moins quart tout pile. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Christian pour votre rendez-vous maison, bien sûr. Et puis à partir de 10h, les GG du sport avec Serge Chimon et Christophe Cessieux. Oui, Christian, on parle ce matin des moyens de sécuriser sa maison, oui, soit en simulant la présence, soit en prenant un certain nombre de précautions. Et l'une des meilleures, évidemment, c'est que la maison reste habitée. Nous avons avec nous Marie-Annick Ferrari. Rebonjour. Vous êtes fondatrice du site, comment s'appelle-t-il déjà ? Nomador. Et donc, vous préconisez le home sitting. Alors, je connaissais le baby sitting. On connaissait pas forcément le home sitting avec un seul M, évidemment, parce que ça peut être des femmes. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste et comment ça marche et ce que ça coûte? C'est un très bon exemple de parler du babysitting, parce qu'en fait, le babysitting, vous confiez votre bébé ou un enfant, oui, quelque chose de très cher. Et le home sitting, c'est la même chose, mais vous confiez votre maison avec tout ce qu'elle contient. En fait, vous vous faites remplacer chez vous. Vous faites garder la maison par des personnes à qui vous la prêtez. Mais alors, comment avoir confiance? C'est vous qui êtes le tiers de confiance? Non, nous ne sommes pas un tiers de confiance. Non. Et la confiance, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui met du temps à se construire. Et pour la construction de la confiance, il y a un tas de choses différentes qui rentrent en ligne de compte. Et puis pas mal d'échanges, j'imagine, avec la personne qui va habiter chez nous pendant qu'on est en vacances. Ça en fait partie. Mais je crois que ce qui est important de dire, c'est que, bon, après, ça dépend des sites intermédiaires ou des agences intermédiaires. Bon, sur un site comme Nomador, personne ne peut prendre contact avec un autre membre sans avoir eu des documents d'identité, enfin des justificatifs d'identité et ou de domicile qui aient été validés. D'accord. Mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Ça veut dire qu'il y a une personne qui existe. Le plus important, si on reprend l'exemple, par exemple, que vous donniez d'une babysitter, une babysitter, quand vous voulez confier vos enfants à quelqu'un, qu'est-ce qui est important? Comment est-ce que vous allez avoir confiance en une inconnue? Vous allez prendre des références. Et là, vous allez en avoir, il y a des cotations. Voilà, c'est exactement. Aujourd'hui, sur des sites internet qui sont bien construits, vous pouvez lire les avis d'autres personnes. Vous pouvez voir qu'une identité existe par différents moyens. Je vais pas m'étendre là-dessus. Mais vous pouvez aussi voir quels sont les avis, les recommandations d'autres propriétaires. Et qu'est-ce que ça coûte ? La présence de home sitter chez vous est gratuite, totalement gratuite, totalement, puisque c'est un échange entre des personnes qui se rendent service. Alors ensuite, pour faire tourner un site comme le nôtre, mais parce qu'il va falloir que vous alliez garder la maison de celui qui vient garder la vôtre. Absolument pas, non, absolument pas. C'est pas de l'échange. Parce que les personnes qui vont garder la maison trouvent un intérêt. Bien sûr. Ah, par exemple, passer deux semaines dans une nouvelle maison. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas rémunéré. Ça n'est pas rémunéré parce que c'est un échange, en fait. Tu veux venir en vacances découvrir l'Auvergne. J'habite en Auvergne. D'accord. Je te prête ma maison et en contrepartie, tu veilles sur elle. C'est presque de l'échange. C'est de l'échange, la maison. Mais il n'y a pas de réciprocité obligatoire. Maintenant, on a beaucoup de gens sur la plateforme qui vont garder des maisons, et pas seulement en France. Hein. On a, si je pars en Australie ou si je pars en Espagne ou en Italie, garder une maison, j'économise un mois d'hébergement. Ah oui. Mais pendant que je ne suis pas là, je vais aussi avoir envie de confier ma propre maison à d'autres membres, parce que j'ai envie d'être tranquille, rassurée pendant mes vacances. Mais d'ailleurs, votre concept était présenté à la télé il n'y a pas longtemps. Oui. Et on voyait justement un couple de retraités qui profitaient d'être en vacances finalement lorsqu'ils allaient passer deux semaines dans une maison à Aix-en-Provence. Vous en avez fait beaucoup ces derniers temps? Quel est le nombre de prestations de ce type? Oh non, ça se compte en milliers maintenant. Ah oui. Nomador est une plateforme en fait qui s'inscrit totalement dans la ce qu'on appelle la consommation collaborative. Donc Nomadeur n'a que 2 ans d'existence, mais nous l'avons construite en fait après 10 ans d'expérience sur le marché du home sitting, parce que nous avions lancé une agence qui s'appelle Illidor. Alors Nomadeur permet à des personnes de s'inscrire, de trouver des home sitters gratuitement, et les home sitters ne vont pas demander d'argent. Mais en revanche, on vous donne de l'argent, j'imagine, pour bénéficier du service. Alors, ça n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de propriétaires qui utilisent la plateforme gratuitement. Le modèle économique est expliqué dans le menu en bas de page. Maintenant, évidemment, on a besoin de ressources pour pouvoir faire des développements et puis travailler. Donc, il y a un droit... Enfin, certaines personnes paient, en fait, un droit d'utilisation de la plateforme qui commence à 25 euros. D'accord. Et qui peut aller jusqu'à 65 euros l'année. Oui. C'est pas... Alors, pour faire garder sa maison... garder le chien, mais par contre vous devrez fournir les croquettes, arroser les fleurs, etc. pendant pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est un prix économique qui est complémentaire, je crois. Je crois que c'est important de le dire. C'est très complémentaire des autres solutions dont on a parlé ici. Et on a. Et voilà. Puis on est vraiment dans cette mode du collaboratif. Et voilà, c'est ça, c'est sympa. C'est de l'humain. C'est une présence humaine. Nous avons Vincent qui est expert en assurance. Qui voulait réagir. Attention. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors on vous écoute. Je me permets de dire qu'effectivement j'étais au volant de ma voiture en train de vous écouter de façon très intéressée. Et je voulais faire un petit rectificatif parce que je pense que c'est important que les gens sachent qu'il faut absolument qu'ils se renseignent, qu'ils lisent bien leur contrat d'assurance. Parce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de ne pas fermer un volet peut vraiment avoir un impact sur l'indemnité, voire sur la garantie en cas de vol, quoi. Oui, mais ça c'est une, c'est pas une spécificité, parce que le cas courant, aucun, moi j'ai jamais vu de contrat qui vous oblige à fermer vos volets le soir. Et pratiquement tous. Alors effectivement, comme le disait le major, effectivement un vol est vraisemblablement tout le temps assujetti à une infraction. Oui. Toutefois, dans les moyens de prévention nécessaires à l'acquisition de la garantie, il est souvent précisé que les assurés doivent mettre en place l'ensemble des moyens de protection dont la maison. D'accord, mais ça c'est une généralité de, c'est-à-dire en clair, ça veut dire laissez pas votre porte ouverte quand même. Non, oui, alors c'est pas une généralité. C'est pour ça que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'effectivement d'essayer de faire un résumé total de l'ensemble des garanties vol d'un contrat d'assurance, c'est très compliqué. Mais il faut vraiment, vraiment bien lire son contrat, parce que aujourd'hui, on a deux moyens de procéder qui sont assez antinomiques en soi. C'est-à-dire se dire, comme vous le disiez de façon pertinente, se dire que si la maison, il y a du monde à l'intérieur, on a moins de chances de se faire cambrioler. Oui, c'est certain. Mais donc, c'est vrai qu'on se fait parfois cambrioler quand on est chez soi, c'est à l'étage, ça c'est clair. C'est clair. Merci Vincent pour ce témoignage. Merci. Nous avons Emmanuel qui nous envoie ce mail qui nous dit « Pour ma part, mon assureur m'a conseillé de ne pas lui déclarer mon alarme. » On parlait tout à l'heure d'alarme. « Car cela influe que très peu sur le tarif, mais c'est en clair. Cas de déclaration des contraintes, sont imposées comme mises sous alarme la moindre absence, même de 10 minutes. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous déclarez une alarme chez son assuré, il faut la mettre tout le temps. Et si vous êtes cambriolé, que vous l'avez pas mise par accident, auditeur nous dit qu'on est peu ou pas indemnisé. Oui, donc c'est un peu de toute façon, pervers. Bien sûr, mais ça c'est parfaitement clair. Quand on a une alarme, on descend aux poubelles, j'exagère un peu, mais on va acheter le journal ou les croissants du matin, on met son alarme. Ou les croquettes de votre ou les croquettes du chien. Mais on met son alarme. C'est une règle absolue. Moi, à Paris, quand je descends déjeuner le midi au petit restaurant du coin, je salue le Kennedy au passage. il est évident que je mets mon alarme systématiquement. D'accord. Je crois que ça c'est... Mais finalement, on n'a pas trop de bénéfices en tant que prime, parce que notre auditeur nous dit que finalement la baisse de la prime n'est pas si importante que ça. Mais elle n'est même, mais je sais même pas s'il y a une baisse de la prime. Je ne le pense pas. Bon, s'il peut y avoir une négociation avec son assureur, mais c'est tout. Christian, c'était bien passionnant. Oui, merci, merci Stéphane Boyadzis, donc major de police, donc référent sûreté, merci, et puis Patrice Degnaud, maison et services, donc pour les prestations de surveillance temporaire. Julien Benoît, Protect Home.

Oui, en tout cas, à Rennes, vous avez, ça y est, l'anticyclone. Il se met en place, hein, tout doucement. Et du coup, en Bretagne, vous avez déjà du soleil depuis ce matin, de belles éclaircies. Le risque d'averse est très peu marqué. C'est le même temps qui va border toutes les régions qui bordent la Manche. Vous aurez du soleil cet après-midi surtout, jusqu'en Gironde. Donc, pour le match, finalement, ça va être pas mal ensoleillé. À Bordeaux également, à 15h, coup d'envoi, les éclaircies devraient être présentes. En revanche, partout ailleurs, un temps orageux avec de bonnes averses en Midi-Pyrénées, Auvergne, jusqu'en Bourgogne, sur le bassin parisien. Cet après-midi, la pelouse va être franchement bien arrosée. On devrait avoir des orages, mais ce risque d'orage s'estompe dans la soirée. On restera avec un ciel très couvert à partir de 21h. On ne devrait plus avoir trop d'humidité dans l'air. Et puis sinon, sur le bassin méditerranéen, là, le ciel va rester voilé, juste voilé, avec la tramontane qui va souffler aujourd'hui. Les températures, elles sont fraîches pour la saison. 17 à Tarbes, comme à Lille. 20 du côté de Paris, Lyon, Grenoble, Strasbourg ou encore Toulouse, jusqu'à 25 en Corse. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur AMC. Avec dès 14h Formule 1, les qualifs du Grand Prix d'Europe. 15h UEFA Euro 2016, Belgique-Irlande, suivi à 18h d'Islande-Hongrie. 20h45, rugby top 14, demi-finale Toulon-Montpellier. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi de Portugal-Autriche. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. RMC 10h01 dans quelques instants, les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux et moi-même. Et tout de suite, il est temps d'écouter le journal présenté par Julien Coudreau. Bonjour Julien. Bonjour Serge et bonjour à tous. Vaste opération antiterroriste en Belgique. 12 personnes soupçonnées de préparer une attaque ont été arrêtées cette nuit. Édouard Dufrane, vous êtes le correspondant d'RMC à Bruxelles. Selon les autorités, ces individus interpellés avaient la volonté et les moyens de commettre un attentat. Alors, on ne sait pas encore exactement s'ils en avaient réellement les moyens, mais apparemment, ces individus avaient effectivement la volonté de commettre un attentat, car les autorités belges ont dû intervenir en urgence, selon le parquet fédéral. Des médias locaux, d'ailleurs, affirment que la cible pourrait être un rassemblement de supporters des Diables Rouges cet après-midi à Bruxelles, en vue du match de l'Euro de la Belgique, prévu à 15h, mais cela reste une hypothèse. La nuit dernière a été longue pour la police et les